IKEA. Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée? Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi? J'en dis que, vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement. Préparer la rentrée n'est pas une option. Jusqu'au 12 août, l'étagère Kallax blanche 42 par 147 cm est à 45€ au lieu de 54,99€ avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous sur IKEA.fr. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1€ par mois sur shopify.fr/audio. Rendez-vous sur shopify.fr/audio pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Oui, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Oh là, qu'est-ce qu'il... C'est du pré-shot. Ah oui, ouais. D'accord. Bonjour, bonsoir. Bienvenue. T'es dans... du foreshadow. Mais... t'es disons, t'as tous les termes du... de l'écriture, c'est, en fait. C'est un setup. C'est un setup, ok. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à la coutume, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Adrien, oui. Comment tu vas? Comment tu ça vas va. Ouais, Adrien. C'est vrai, ça va. C'est vrai qu'on t'applaudit plus. Bah non, mais tu l'as perdu en étant plus invité. Bah en même temps, t'applaudis pas toi non plus. Non, c'est vrai. J'applaudis. Applaudissez-moi. Ouais, ouais, Laurent Bernard qui présente le Floodcast. Bonjour, bonjour. Comment ça va, Adrien? Ouais, ils t'ont applaudi plus longtemps que moi. Mais du... Attends, du coup, Flo. Attends, top. Ouais, voilà, c'est bon. On se partagera après l'émission. Ouais, tu remontes, Flo. Ouais, voilà, le même nombre de claps. Pile. Comment ça va, Adrien? Ça va. C'est aigu, il y en a 17. Je m'en rends pas compte. Ça va bien. Très bien. Dans l'instant présent, là, ça va bien. Ok. C'est le pouvoir. C'est moi qui. Le pouvoir de l'instant présent. Faisons un bouquin. Pour accueillir nos deux invités, j'ai une petite histoire à vous raconter. Oh le con. Et oui. Ah, t'es trop con. Et oui, le 1er septembre 2011, je suis encore à la fac. Je viens d'avoir 20 ans et je ne connais personne à part mes potes de Marne-la-Vallée. Je reçois quelques potes du lycée en Bourgogne qui passent le week-end sur Paris car nous sommes fans des Red Hot Chili Peppers, Adrien. Vous puez tous de la bite de façon infâme. Ils mettent leurs chaussettes. Pourquoi puer de la bite? Parce qu'ils mettaient leur bite dans une chaussette à un moment donné dans une photo. C'est une vibe. Ah d'accord. Pour lui, tu sais qu'il faisait vraiment ça. Je sais. C'est pour ça. Pour lui, c'est pas eux, c'est les fans des Red Hot qui puent de la bite. Qu'on a un problème d'hygiène en tout cas, voilà. Ce qui est pas faux faux. Pas forcément problème d'hygiène, mais ils puent de la bite. Attends, mais j'avais pas compris ça. Ils peuvent beaucoup se laver et puer de la bite. C'est une vibe en fait. Oui, d'accord, c'est une vibe. Ouais, c'est métaphorique. Okay. Très bien. Eh bien, il jouait au grand journal et il se trouve que j'avais réussi à choper des places. Et j'étais trop content parce qu'avec mes potes, non seulement on allait voir Jean-Michel Apathy en vrai, ce qui était quand même le rêve de tous les gosses de 20 ans, et on allait voir les Red Hot. On se tape une première heure politique avec comme invité Nadine Morano. Ah, souvenez-vous. Wow. Et pendant la deuxième partie, on découvre ce qu'on pense être un sketch sur un mec qui se prépare à un rendez-vous, mais pas assez de parfum, remet du parfum et du coup, il a trop de parfum. L'histoire d'un homme, mais. C'est bref ça. Qui a des fêlures. Et bref, il est toujours aussi vif, Adrien, c'est ouf. Même après avoir vu le groupe qu'on aimait le plus au monde, mon pote Samuel et moi, on parlait que de ce truc qu'on pensait être un sketch. Et presque 14 ans plus tard, je suis content d'en reparler à nouveau car on reçoit Kyané Navo. Ouais, ouais. Alors attends, il faut autant d'applaudissements. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, comment ça va, les gars? Super bien. C'est fou, j'avais besoin de raconter. Je crois que je l'ai jamais raconté ce truc là. Bah ouais, je crois que je suis même pas au courant. Mais non, c'est bah il vient de l'inventer. Hein. Après, ah, ça décharge. Putain, c'est bien fait. C'est faux, tout moi, est c'est faux. Adrien qui m'a expliqué ce qu'étaient les Red Hot Chili Peppers ce matin. N'a jamais écouté ce groupe. Donc, c'est pas une sauce hein, dans Hot Ones. Arrête. T'as compris? J'ai compris, il y a Kyan. Non, j'ai pas compris, il y a quoi? En fait, dans Hot Ones, c'est du piment et Red Hot Chili Peppers, c'est des trucs qui. Je l'ai pas. Attends, ce seraient les boss de fin, eux, si vous les receviez, je pense. Non? C'est un Carlito. Moi, c'est ce que j'aime chez Flo, c'est que même si tu fais une vanne pas ouf, il te suit quand même. Ah bah, il te suit. Ouais, ça, c'est sur tout. Il te suit surtout. Il y a aucun problème. Ça fait 10 ans que tu fais ça avec moi. Non, parce que toi, tu fais des vannes trop ouf. C'est vrai. Okay. C'est ce que je voulais entendre. Alors, on est trop contents de vous recevoir pour effectivement la sortie de Bref sur Disney+, Bref 2, mais il y a Bref 1 aussi d'ailleurs sur Disney+. Donc, Kyan, ça y est, officiellement, tu es une princesse Disney. Ça y est, tu fais partie. Oui. À tout moment, tu peux être dans les Simpsons, dans Star Wars, dans plein de choses. J'ai reçu un texto de Dingo. Il m'a souhaité force. Bah, dis force, frérot. C'est vraiment que... ça à quoi je pensais quand vous étiez sur. Parce que je suis allé voir l'avant-première au Grand Rex. Et on va recevoir les dirigeants de Disney. J'étais là, bah là, il faut Dingo, il faut C3PO, il faut tout le monde sur scène. C'est la moindre des choses. Mandalorian, tu veux dire? Alors, oui. On a un très grand fan du Mandalorian autour de cette table. Voilà. Ah, Adrien est fan de Star Wars. Depuis un mois. Avant, j'en avais c'est rien vrai à foutre de Star Wars. De Star Wars. Maintenant, j'ai vu The Mandalorian, je fais Star Wars, c'est génial. Okay, en c'est... tout cas, The Mandalorian, c'est génial. Ouais. On est très content de vous recevoir. Alors, comme à l'accoutumée, on va faire le jeu du Floodcast. Ouais. Bien sûr. Le... Oh non, ouais, non. Non. Bon, parlons de bref plutôt. Alors, ouais, sinon, on peut, pourquoi je peux avoir attendu 13 ans? Ah, bah, j'avais posé cette question. Alors... Enfin, des questions. Le maire de Balcastro a publié un arrêté qui interdit de Balcastro et non pas de Balastro. Oui, non, c'est juste un jeu, une application auquel tu joues. A publié un arrêté qui interdit quelque chose d'assez insolite à ses habitants. À votre avis, quoi? Pété. Pas pété. C'est un non, rapport ça, c'est avec ville. Du caca. Ouais. Pas pété, c'est une autre ville. Pas avec du caca. Du pipi. Non, du pipi. Y a du... Non, on se réinvente. Hein. Non, on se réinvente. C'est pas le Floodcast. Non, on se réinvente. On est dans le Floodcast. Non. Est-ce que c'est lire l'œuvre de Balzac? Peut-être. Très bonne réponse. Mais ça m'étonne pas. En même temps, politiquement, c'est incompatible. Moi, je l'appelle honoré, mais. Attends, si c'est ni lié au caca, ni lié au pipi, on va jamais trouver. Tu oublies le sperme, mais. Le sperme. Ah, bah c'était le sperme. C'est vrai que il oublie souvent le sperme. J'arrête pas, j'en mets partout, j'oublie. J'en laisse partout. Oui, d'ailleurs, si tu peux. Ouais, excuse-moi. Petit coup de sopalin, mais. Ah, c'est ça. Je connaissais pas le goût, c'est pour ça. Ouais, bah, genre, tu connais pas le goût. Après ton amitié. Ça fait longtemps que... Alors, est-ce que c'est une pratique de divertissement, quoi, de loisir? Non. Ouais, okay. Tu veux plus jouer, ça y est. C'est un sport. Est-ce que c'est lié... Ce n'est pas un sport. Est-ce que c'est lié au transport en commun? Ce n'est pas lié au transport. Attends, en commun. Attends, il a interdit. Attends, tu peux redire la formule? C'est le maire d'une ville qui s'appelle Balcastro qui a publié un arrêté qui a interdit. T'as ressoufflé du nez. Mais c'est pas mal, il y a une ville, ça passe presque comme le jeu, quoi. Mais oui, il a publié un arrêté qui interdit un truc à ses habitants, en gros. Okay. Et c'est un truc, c'est surprenant d'interdire ça. C'est-à-dire que le truc en soi n'est pas si fou, mais le fait de l'interdire, c'est un peu fou. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait dans l'espace Sébastien public? Sébastien, c'est fou aussi d'ailleurs. Oui, je t'écoute, pardon. Quelque chose qu'on fait dans l'espace public? On peut le faire dans l'espace public, mais c'est pas, t'as Est-ce pas besoin d'être dans l'espace public pour c'est le faire. C'est lié aux odeurs? Non. C'est par rapport au. Non plus. Au nom de la ville ou pas? Non, pas du non, tout. D'accord, c'est pas interdit d'enlever le L. Arrêtez de faire cette blague. Enlevez le L, le C et le S parce que vous êtes fan du jeu. C'est interdit de me faire des blagues sur le fait que j'ai mal expliqué Balatro. Dans une émission il y a quelques mois. Et le maire, il a dit c'est bon, je crois qu'il a compris la blague, surtout que c'est tout le temps la même. Attends, c'est ça? Ça va? Non, mais c'est peut-être ça, c'est pas ça. Écoute, c'est pas ça, mais j'ai un. Est-ce que c'est lié au téléphone portable? Il a changé. Non, pas du tout. Balatro, je l'ai saigné. Ah ouais? Mais c'est sûr que c'était ton truc, ça. C'est bah oui, c'est sûr. Mais quand tu dis tu l'as saigné, ça y est, t'as un peu arrêté? Oui là ouais. Bah, ouais ça moi j'ai joué pris à quoi, il y a longtemps. Ah attention j'ai toujours je un petit jeu je joue enfin à Undertale. Undertale. Ah enfin depuis ah, enfin ah, depuis le temps que le je gros, me dis faut le que jeu de gros fragile là. Ouais bah ouais faut pas taper les ennemis. Et tu kiffes? Pour l'instant j'adore, j'en suis à peut-être 20 heures. Faudrait que j'y joue un jour. Adrien et Davo, ils ont toujours un petit jeu en permanence. Il y a, tout à fait. Tu fais quoi là? Bah, j'ai un petit jeu là, petit indé là. Lis-moi, écoute, ça s'appelle Call of Duty. Les petits trucs qui aspirent ta vie, genre. Ouais. Genre Vampire Survivor ou des trucs comme ça quoi. Bah moi je suis pas tombé dedans. Ah ouais? Ah ouais. Non. Ah bah ça m'étonne. J'ai essayé, j'ai fait non. Mmh. Pourtant t'es fou de vampire. T'es fou de Blade. De Blade également. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il a interdit alors? Qu'est-ce qu'il a interdit? Danser, Footloose. Un acte culturel? Ce n'est pas un acte culturel. C'est pas une blague? Non, c'est pas une blague. C'est vrai que Footloose, c'est fou, on oublie le scénario de ce film. Oui. Vous avez vu le film Footloose avec Kevin Bacon? L'histoire du gars qui perd son pied là? Non, ça c'est Loose Foot, tu comprends? Ah oui, merde. Ouais, ouais. Non, Footloose, c'est dans une ville où il est interdit de danser. Waouh. Et donc là, t'imagines, il y a des rebelles, ils se disent. Je vais danser, on va je le vais faire courir quand même en fait. Je danse, je vais courir tout droit en dansant. Et me jeter comme ça. Est-ce que c'est une pratique un peu artistique? Pas du tout. Sexuelle? Non plus. Donc c'est pas du bruit. Enfin, c'est ni le bruit ni l'odeur. Donc déjà non, on n'est pas sur déjà, un RPR. Déjà tu n'es ni pas une Chirac. Chanson de Zebda. Ouais. Ah oui. Le pardon, son d'un marteau. Le son d'un marteau piqueur. Tu veux dire, ouais, j'avais la vanne avant que tu la fasses et du coup j'ai fait la même vanne que toi. Mais parce qu'on est si proche. C'est par rapport à une épidémie, par rapport à un truc. Par rapport à quoi? Une épidémie. Alors non, mais tu t'approches. C'est interdit de mettre des cracher. Non, pas de cracher. Crotte de nez. Pas de crotte de nez. Interdit de crotte de nez. Dabé. Pas dans. Ah, dabé. J'étais sur autre chose. Non, non, ouais, non, pas de dabé. Ça, c'est à Colombe. À Colombe, ils ont dit non, plus personne dame. Ils sont dégoûtés. À cause de McFly et Carlito. Oui, c'est ça. Alors, tout à fait. Ah, c'était ça là-bas, okay, pardon. Mais en fait, ça s'arrête jamais. Vous pourriez baiser devant nos yeux là, comme ah, ça. Oui. Alors, sachez-le, à chaque fois que je vais dans la noosphère pour trouver une idée, qui je vois à chaque fois? Adrien. exactement dans le même secteur, on cueille les mêmes fruits. Et là, fruits. Tu dis, tu vas rien en faire de ton idée. Je fais, non, non, non, non, vas-y. Et du coup, c'est faux. C'est faux. À chaque fois, je te dis, j'aimerais tellement que t'en fasses quelque chose. Oui, oui. Ah non, non, mais c'est pour dire que j'en fais rien. Non, tu disais, est-ce que c'est lié à une épidémie ou d'une certaine manière, c'est interdit de faire un truc qui nous est tous déjà arrivé. D'éternuer. Non, pas éternuer, pas roter. De pas mettre sa main dans la bouche en touchant. Bailler. Non, c'est pas ça. Et c'est un rapport avec un côté médical c'est un peu. Oui, mais c'est assez large en vérité. Vêtement. C'est pas lié à un vêtement. Un accessoire. Pas postillonné, pas un accessoire. Rire. Non, mais on est sur un truc aussi large que genre ça. Genre péter du cul. Non, c'est le premier truc. Imagine, c'était pas pété, c'était pété du cul. Et oui, ouais, bah, j'aurais pas accepté. C'est pour ça que j'ai pas accepté pété. Bah, c'est les mots exacts du maire. Parce qu'il a vraiment écrit l'épée de fouf. Oui. Avec grand plaisir, il a dit. Il a dit prouter. C'est ça. Donc ce n'est pas pété du cul. Non, mais c'est un truc un peu médical. Totalement médical. Ah, c'est médical. Pensez à un truc très large. Éternuer, tousser. Jouer avec des seringues. Je vais vous le donner parce que. Se moucher. C'est juste. Je vous le donne. Non, non, les prises de sang, faire une prise de sang. Tousser sans mettre ta main dans la bouche. Si on est si proche et que tu nous le donnes, bah, c'est tellement triste. Échanger, merci, des, oui. Merci. Échanger du liquide d'œil. Ah bah oui, mais non. On est toujours d'accord avec Adrien. Donc, là, je suis dans la noosphère. Je suis quand même. Je suis à deux doigts d'avoir. Pas manger ses crottes d'œil. C'est marrant parce qu'il y a un peu la même énergie que sur un bon moment. C'est-à-dire, moi, je suis le relou quand il y a un jeu, je veux y jouer. Ouais. Ken, il est un peu en mode, bah non, mais quand même, ça peut pas durer 6 heures. Ouais. Et moi je dis mais si les gens vont adorer. Je dis non, je crois pas les gens. Oui, et bah figure-toi que on a eu exactement ce débat dans l'émission et que les gens m'ont envoyé plein de DM pour dire t'as raison de te battre. C'est les gens d'accord avec toi. C'est vous que c'est Adrien qui les a reçus et pas moi. Maintenant il y a des commentaires. Ah oui, t'as rien reçu toi. Bah j'ai reçu aucun message sur non laisse Adrien faire les jeux. Oui, mais aucun pour te dire t'as raison de vouloir raccourcir les jeux. Non, mais parce que ta gueule. Parce qu'on est écouté par des gens. Faudrait faire deux versions en fait. Faudrait faire la version uncut. Où et Adrien et moi on cherche la réponse pendant 6 heures. Ouais. Non, c'est le Patreon ça, faut les gens y payent. Ouais, enfin, voilà. C'est comme ça que font les podcasts normalement. Exactement, sur Patreon. Franchement, fais ça. Bon, vas-y alors. C'est rapport avec tousser. Oui, c'est plus large que tout ce que vous dites. Interdit de cracher, de respirer. Pas de respirer. Vous avez dit tousser, vous avez dit éternuer. Se moucher. Ah, être malade en public. Très bonne réponse, wow. Adrien. Ah, wow. C'est interdit d'être malade. Je suis. Attends, je vais emménager dans cette ville. Ouais. Comment ça, c'est interdit d'être malade? Je vais te raconter. Non, mais en public. Ah bah oui, raconte-moi. En gros, t'as pas le droit de sortir quand t'es malade. Je remets une petite bûche dans la cheminée. Attends, s'il te plaît. Je remets Flo. Le plaid. T'as bah oui, lis ton texte. T'as fait tomber ton plaid. Là, je te le remets sur les genoux. Remets. Elle lance un plaid chauffant. Ah bah oui, mais tu seras mieux. Allez, vas-y, lis ton texte avec. Attends, mais. Avec la sincérité qu'on te connaît quand tu lis un texte. Là, t'as fini de construire un barrage, on est d'accord? Oui, pourquoi? Tu es père Castor pour moi. Allez, raconte. Le maire de Balcastro en Calabre, Antonio... On dirait Balatro, mais je vous le dis, mais je vous le dis. Antonio Torcia a publié un arrêté ordonnant aux habitants de ne contracter aucune maladie grave pouvant nécessiter des soins médicaux d'urgence. Quoi ? Les résidents ont également reçu l'ordre de ne pas participer à des activités pouvant entraîner des blessures et ont été plutôt invités à passer la majorité de leur temps chez eux. Alors, ah bah je peux aller emménager. le maire a quand même expliqué que cette proclamation était censée être une manière ironique d'attirer l'attention sur les lacunes de l'infrastructure de santé locale. Okay, parce que j'allais dire, et vous me voyez venir, et là il est sur la 4, il prend un clignotant, il arrive dans Paris, et j'allais dire, mais c'est Black Mirror les gars, tout ça. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas sorti. Bah ouais, ça fait plaisir de la revoir. Bah ça oui, fait plaisir. La Calabre est l'une des régions les plus pauvres d'Italie et a vu 18 hôpitaux fermés depuis 2009. 497 médecins vont être envoyés en Calabre sur une période de 3 ans pour aider à doter les installations médicales de la région, parce que voilà, ils sont vraiment dans la merde dans les hôpitaux. Donc c'est pour ça, c'était un coup de com'. C'est un coup de com'. C'est une bonne vanne. Voilà, c'est pas si mal. J'ai une question sur les maladies de la vie quotidienne. C'est laquelle que vous préférez avoir? Oh, dis donc. Entre le rhume, la gastro, c'est la celle qui vous dérange le moins? On a déjà eu cette question, non? Oui, mais il n'y en avait pas qu'elle avait. C'est vrai, mais là, en plus, on est élargi à l'angine. C'est pas du tout la même chose. Mais je te dis, on se réinvente cette année. C'est une fin de quand t'as le nez bouché et que quand tu te mouches, ça se débouche enfin. Ça, oui. Ça, c'est là quand t'as plus la maladie. Ouais, ouais. Ça, c'est le kiff. Parce que j'aime bien dans la maladie, c'est quand je l'ai pas. Ça sort enfin. Mais ça, moi, j'aime bien ce. Enfin, je déteste, mais. Le matin, c'est plutôt du cool quand ça va mieux, mais le soir, quand tu te couches, tu te dis, est-ce que c'est demain matin que j'irai mieux? Ouais. Moi, je sais pas si ça c'est toujours les maladies, ce suspense. Ouais. Mais le truc que je supporte le mieux, c'est clairement la diarrhée. Mais moi aussi. Bah, tu vois, je la vis tout à fait. Non. En fait, j'ai jamais compris. Des fois, il y a des gens, ils arrivent, ils font, oh, j'ai la diarrhée ce matin. Je suis là, mais tu parles d'un matin sur deux dans ma vie. Ouais. Merci trois fois plus de piment. C'est genre, je suis en mode, oui. Mais ça, c'est aussi parce qu'on travaille beaucoup à la maison aussi. Je pense. Peut-être. Parce que moi, j'ai souvent prononcé cette phrase dans ma vie où j'ai dit j'ai la diarrhée et j'ai dit en même temps j'ai rien de mieux à faire que d'avoir la diarrhée. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est plus chiant quand t'es au travail, t'as pas envie. Ouais. Ah ouais, mais ça, c'est genre oui, bon bah je vais me lever de l'ordi, je vais aller avoir la diarrhée et puis me rasseoir quoi. Tu vois, c'est pas très. Ouais. Non, mais j'ai jamais mal vécu le truc quoi. Je suis en mode oui, bon. C'est petite précision, Navo est la personne la plus imperméable au piment que je connaisse. Ah ouais. Attends, ah ouais, imperméable, lui, c'est-à-dire genre, ça, je résiste rien au piment. Ça ne fait rien du tout. Ah ouais. Voilà. Il le mange, il fait, c'est un bon plat, ouais. Je pense une... Il dit quand il voit un truc hardcore, il fait, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et puis après, oui, mais donc il y a une vraie erreur dans le choix du duo pour qui présente Antoine, du coup. Si je peux me permettre. Non, parce que je suis en deux de ouf. Non, non, si c'est moi qui présente Antoine. Je suis là avec la sauce 10 en train de la boire. Oui, et je te rappelle qu'il faut absolument être chauffe pour présenter Antoine, apparemment. C'est vrai. Dans tous les pays. Oui, j'ai vu qu'au Québec, c'est l'acteur qui est super fort. Marc-André Gondrin. Exactement. Donc j'ai découvert déjà qui était devenu chauve, parce qu'il n'était pas chauve dans le premier jour de ta vie. Et effectivement, il est chauve comme tous les animateurs de Twans. Non, mais après, parce que le piment, c'est, tu sais, tu t'accoutumes, ça fait très longtemps que j'en mange. C'est pour ça. Depuis tout petit. Ouais, bah il est italiano, le pimento. Ouais. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai qu'on dit ça là-bas. L'arabiata. L'arabiata. C'est vrai, c'est vrai. C'est raciste. Kian. Ouais. Une maladie où tu te dis cela, je suis ok. Par exemple, moi je trouve l'hypochondriaque, Yann. Ah oui, c'est vrai. Non, mais ça veut pas dire qu'en fait, justement, que même les maladies, quand il est malade, il est malade. Non, mais quand je suis malade, je suis ok. Non, je suis ok. En fait, moi j'ai pas de problème avec ça. C'est j'ai peur de tomber malade. T'es plus germophobe. Ouais. Ouais, je suis plus germophobe. Ouais. Ah, ouais, mais... Pas germanophobe. Hein. Non. S'il l'est aussi en l'occurrence, mais on va pas en parler là. Ouais. Et un petit peu germanophone. Tu peux nous dire quelques mots? Get scoot. Voilà. Il l'a fait avec un sourire qui a relié ses deux oreilles. Bah ouais, get scoot. Par exemple, moi je trouve que l'angine n'est pas assez respectée dans le domaine du travail. C'est-à-dire que moi, quand j'ai des. Parce que quand j'ai des. J'ai... Il m'est arrivé d'avoir des angines. Les gens ils disent, bah tu viens travailler. Tu viens bosser et tout. Alors qu'au bout de 8 secondes, déjà t'es très. Comment dirais-je? Contagieux. Contagieux. Et au bout de 8 secondes, moi je ne peux plus parler. Donc c'est vraiment très chiant. Ça serait bien. C'est pour ça qu'ils veulent que tu viennes. Oui, c'est pour ça. Attends, tu peux plus parler au bout de 8 secondes. Mais viens bosser. Viens bosser. Alors que la chiasse, tu dis j'ai la diarrhée. Effectivement, les gens disent reste tranquille, reste à la maison. Ah bon? Ah bon? Ah merde. Ouais. Ah, parce qu'ils ont peur que ce soit une gastro, peut-être. Oui, je pense, c'est plus ça. Ah. Oh, attention. C'était quoi? Je me blais, personne parlait. Là, mais récemment, j'ai eu un truc de. Je crois que c'est un truc de quarantenaire. J'ai toussé, j'avais mal en bas du dos à chaque fois que je toussais. Ah. Et c'est la première fois que ça me le faisait, genre de. C'est vrai. T'es devenu Louis de Funès par contre. Biche, ma biche. Ouais, le grand-père Simpson à mes yeux. Le gars il tousse, il a mal au bout. C'est vraiment la nuit, je me suis réveillé. J'ai fait ça dans le lit quoi, ça n'avait aucun sens. Toi non, ça va, t'as pas trop de douleur, t'es bien. Mais non, mais en fait, je crois que j'ai pas trop de. Je cherche un truc de yeuve, mais j'ai pas. Un jour, j'ai vu, pour te dire, on cherchait le chat de Navo dans mon jardin parce qu'on le cherchait depuis déjà une bonne heure. Et Navo qui n'a pas l'air d'être en forme du tout, vraiment. Je me dis à chaque fois, je dis, bon, bah Navo, c'est mort quoi. Y a pas de... Dès qu'il faut courir, bah tant pis, il meurt quoi. Tu vois, c'est pas... Et je l'ai vu vraiment prendre une branche à une main et lever tout son corps et grimper dans l'arbre comme un pompier. J'étais genre, mais qu'est-ce qui se passe? Après 20 ans d'amitié, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est pas pareil, pas aimer le sport et pas, et avoir un, pas, ouais, pas être mais t'as un corps de capable ouf de grimper. Mais t'as un corps de ouf. Mais j'ai toujours bien grimpé, ça va. C'est un truc que je faisais quand j'étais petit, j'étais là, maman, regarde, je suis au haut de l'arbre. En vrai, c'est vrai que t'as un, bah, après, t'as un physique de grimpeur parce que ouais, les grimpeurs, c'est plus facile dans... de soulever mon corps que de dans 100% physique. Tu vois le mec qui fait de l'escalade, il est musclé, mais c'est pas oui, mais musclé sec, quoi. C'est vrai que tu fais du XS, toi. C'est vrai. Mais en même temps, il fallait sauver la vie d'un chat. C'est ça aussi. Quand t'es c'est motivé ça par sauver une vie, toi, c'est vrai, tu peux déplacer des montagnes. C'est ça, c'est un peu la nuit des héros. Quand tu dis, cet enfant de 8 ans a une force exceptionnelle. Il a sorti sa grand-mère d'une maison en flammes. Il a soulevé la voiture pour sortir sa mère. Ah, putain, je me rappelle de ça, ouais. La nuit des héros. Rêve et de Yeuve. Et c'est impossible, mais il y a des moments, on arrive à soulever 8 fois son poids si on a de l'adrénaline dans le corps. C'est devenu maintenant des podcasts d'entrepreneurs. Mais c'est possible, c'est vous possible. Pouvez faire ça. J'ai une question pour vous. Loi étrange toujours à la mairie de Louvain, cette fois en Belgique. D'accord. Qu'est-il désormais interdit de faire? Donc on a changé de mairie, mais c'est toujours une interdiction un peu chelou. Prouter? Bah, on va devoir, poser toutes les mêmes questions. Je vous donne un indice, c'est quelque chose où je pense qu'autour de la table, tout le monde est un peu, peut-être moins Navo, mais tout le monde est un peu d'accord. Toi, ton cas, c'est sûr. Toi oh, aussi. Non, mais si, je vais être d'accord. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, vraiment, dans l'espace public, tousser, je suis oui en mode. Pas tousser. Écouter de la musique avec un haut-parleur? Non, ce n'est pas ça. Quelque chose qui dérange les autres? Non. Ouais. Non. Ah, c'est pas ça. Non, les non, baskets, ça, j'allais dire. Non. Mettre des non, mais mettre des baskets, je sais pas. Non, c'est un truc de germophobe, quoi. Tout à fait. Okay. Ah. La barre du métro? Pas la barre, juste qui est interdite. La rampe? Non. Le. Alors les cheveux sales? C'est interdit à la mairie, c'est pas les habitants, c'est encore différent. D'accord. C'est au sein de la mairie. Ah, dans la mairie. Ouais, dans la mairie. La mairie. Ah, ils sont obligés de pas mettre de masque. Non. Lâcher une caisse? Non. Par le cul? Non, par le trou du cul. Le trou de balle. Non, mais encore une fois, précise. Bah oui, bah oui, mais à chaque fois, je précise pas. Expulser de l'air qui pue par le trou de balle. Non, c'est pas ça? Ah voilà, là c'est précis. Ah, ok. Non, je crois qu'il a dit que vous êtes d'accord avec le maire. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est pas porter de masque. C'est porter un masque. Bah, interdire de pas porter de masque. Ah, waouh, de la négation. T'es vraiment un double négationniste. J'ai jamais entendu quelqu'un dire de l'air qui pue pour parler de paix. De l'air ouais, mais pardon. S'il y a un extraterrestre qui arrive qui dit mais c'est quoi cette histoire de paix là? Comment tu dis c'est de l'air qui pue qui sort du cul. Ouais, c'est bien. Ouais, ouais. Pour le début d'un slam. C'est de l'air qui pue qui sort du cul. Pas le meilleur album de Grand Corps Malade. Grand Corps, ouais, ouais, malade. Grand Corps très très malade. Enfin un lien avec son nom. Ah merde. Ouais. Nous on a un autre jeu avec Adrien, c'est qui va dire en premier la même blague. Et après on se regarde en faisant oh, bravo, rapide. De toute façon tu montes, des fois tu mets moi, des fois tu mets Navo en premier. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ok, donc un truc de germophobe. Alors au sein de la mairie, tu ne peux pas faire caca aux toilettes. Non, tu as le droit de faire caca. C'est pas pipi, c'est pas caca, c'est pas sperme. Oh non, voilà. Non, bah oui, je bah sais. Alors, ça fait deux questions déjà, on n'est plus dans le podcast. Ou quoi? Bah écoutez, voilà. Donc, est-ce que c'est c'est interdire de faire quelque chose? C'est un rapport avec le masque. C'est pas une obligation, c'est une interdiction. C'est pas en rapport avec être malade. La saleté? Non, c'est pas lié avec la saleté. Mais c'est un peu une. Se serrer la main. Alors on s'approche. Ah, se faire la bise. Tout à fait. Ah, interdit. Alors, et bah c'est con parce que tu transmets plus de germes en serrant la main qu'en faisant la bise. Mais après, tu te laves les mains après. Ah, parce que tu sais, les mains en fait. Ah ouais, les mains. Ouais. Tout quoi. Ouais. Alors que tes joues, elles touchent rien. Mais quoi, c'est enfin. Pas pour des questions d'hygiène que le maire a choisi ça. Eh oui, ah, oui. Ah bah oui. Ça, c'est à cause de 2-3 relous qui étaient des N+2 ouais. Et qui faisaient des bises bien appuyées. Baveuses, bah, dégueulasses. Écoutez, c'est pas ce que raconte l'histoire, mais je pense que c'est pas forcément très éloigné. Mais la mairie a adopté en décembre dernier un nouveau code de conduite que le personnel et les élus sont désormais tenus de respecter. C'est marrant, tu parles différemment d'un coup. Ben, on dirait que j'ai un truc, tu veux dire? Ouais. En Flandre, il est pas court. En fait, vu que c'est en Belgique, il y a toujours ce truc de ah oui, wallon. Bah oui. Ils font une bise souvent. Bah, et surtout, en fait, en Flandre, il est pas courant d'embrasser un collègue sur le lieu de travail. Ça ne se fait pas. Ah. Alors que dans la partie sud, enfin, c'est la différence entre les wallons et les flamands. Et... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, okay. Wallon et flamand. Dans le sud du pays, c'est de coutume, par exemple, d'embrasser les gens et c'est même plutôt mal vu de ne pas le faire. C'est d'essayer. Ça fait genre, oh, tu as une distance, ok. Donc il a tranché. Il a fallu Il a fallu trancher parce que c'était un peu le bordel. Et donc, du coup, ils ont dit. Ils s'envoient un baiser de loin, il faut. Ouais. Quoi, c'est un peu la poire en deux. Ouais, ils se cachent quand ils sont du même camp. Ils font tout à l'heure là. Je vais aux toilettes, moi aussi. Ouais. Ah, ce sont des règles claires qui rassurent les gens et tout de même. La mairie indique quant à la rigidité d'une telle règle qu'ils comptaient pas non plus mettre des amendes énormes, voilà, s'il y a une bise qui est pas faite exprès et qui est sur les. Mais j'aime bien, c'est quand même écrit et qu'il y aura d'éventuelles exceptions comme les anniversaires, les fêtes de départ ou les cadeaux au bureau, voilà, des petites soirées un petit peu sympas qu'on ferait en entreprise. Moi, je trouve ça bien qu'on fasse moins la bise depuis le Covid. Là, on se check le point. Ah, j'adore. Tu vois, je trouve ça beaucoup plus cool. Checker quoi. Là, le c'est paradis. Parfait, quoi. Clac, allez. Parce qu'avant, moi, je voulais pas spécialement faire la bise, mais je me disais, quand on arrive sur un tournage tous les jours, il faut que tu claques 19 bises. Ça irait plus vite de dire bonjour de loin, mais t'as l'air méchant. Oui, c'est ça. Alors que maintenant, t'as pas l'air méchant, t'as l'air normal, c'est devenu la normalité. Ouais, ouais. Et moi, vraiment, j'arrive. Pas toujours, hein, pas toujours. Oui, pas toujours. Ah, ouais. Ouais, bah, l'avant-première de bref, j'ai fait 2-3 points et j'ai eu 2-3. Enfin, des points dans la gueule. Ouais, hein, c'est ça. Ah, ouais. Bah, non, bah ouais, pas avant-première de bref, j'ai fait que des bises. Ouais. Bah, voilà. Bah, vas-y, je vais claquer des bises parce que là c'est le showbiz. Ouais, showbiz. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Fort. Ouais, et j'ai eu un petit même. Ah, ok, le point, d'accord. Et j'ai fait ah bon, oui, bah, bon après voilà. Oui mais parce que tu l'as mis dans le cul de la ouais personne. Bah, c'était déjà pas la cloque, moi je croyais que c'était comme ça. Ah, tu vois ce que ça fait, tu vois, bah, arrêtez le voyons, arrêtez le mais oui ça... J'imagine que tu trouves ça bien quand même, parce que dans bref dans la saison 2 tu reparles, tu n'aimes pas qu'on te touche, c'est quelque chose qui revient dans toute ta carrière, t'aimes pas qu'on te touche. Bah ça j'aime t'es pas tactile. J'aime bien les hugs. Les hugs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je trouve que le hug c'est kiffant. Les chaussures les hugs bien sûr. Non, quand c'est intrusif sans prévenir, ça c'est vraiment c'est vraiment bizarre. Un jour j'ai un photographe il me fait une photo, puis à un moment donné il se lève et vraiment il commence à me rhabiller comme ça d'un coup en me touchant, il me recaresse la barbe pour que je sais pas quoi, et j'ai trouvé ça genre demande juste dis-moi juste excuse-moi, je peux me permettre. Ouais. Tu vois, juste ça c'est ça me paraissait la bienséance. Non, parce que c'est dans ton album t'en parlais un moment, je t'ai vu en vrai aussi détester ça et là je le vois dans Bref 2, je me suis dit ça c'est il a besoin, si vous croisez Cannes, on est de la même team, bien sûr, évidemment. Ça arrive d'ailleurs que des fois vous soyez, parce que ça parle beaucoup de vous, bref, déjà la saison 1, la saison 2 aussi, que vous soyez pas d'accord sur un truc d'observation, genre dire moi je pense ça mais vu que moi je pense pas ça, On le met pas dans la série ? Vas-y, réponds. Ou vous pensez au bien de la série ? J'imagine... Moi, je suis pas d'accord. J'imagine que oui, mais en général, on se dit que si on n'est pas d'accord, c'est qu'il faut parler des deux côtés. Ok. Je pense, mais j'ai pas d'exemple là qui me vient en tête. En général, on essaie de trouver le point d'accord. Donc, on peut aussi être d'accord sur le fait de pas être d'accord et de dire. Donc, il faut dire. D'un côté, il y a des gens qui font ça, et puis il y a des gens qui font ça, et ils s'entendent pas, tu vois. D'accord. Les tocs, par exemple. On est d'accord avec le fait de pas être d'accord, tu vois. C'est ça. Les tocs, par exemple, ça c'est aussi un truc que tu as. Moi, j'ai pas de tocs. Pas de tocs. Mais justement, c'est ça qui est cool, c'est que du coup. Je pense que ça permet aussi de voir le côté marrant extérieur, ouais. Tout en gardant le côté en vrai c'est pas marrant, c'est dur à vivre, et d'avoir le bon équilibre, tu vois. C'est que même, ça me fait un peu bizarre là, quand on a fait les avant-premières, il y a des moments où les gens ils rigolent et j'ai un peu envie de me lever en disant vous rigolez d'un trouble. Après, c'est pas drôle. Mais je vois, mais c'est de ma faute là. Je vais pas commencer à les engueuler. C'est vrai que c'est un peu rigolo comment on l'a montré. Peut-être que donner ce rôle à un mec très marrant n'était peut-être pas la bonne idée pour un. Ouais, voilà, mais comme c'est, tu vois, c'est arrivé par exemple avec perdre ses cheveux ou tu vois, ou même dans le spectacle de Cannes, perdre son père, tu sais, des trucs comme ça qui sont un peu durs. Comment ça? Et que après, c'est marrant ça. Oui. Oui, c'est ça. C'est, comment ça? C'est ce que je veux dire, je disais tous les trucs marrants là. Bah, il est dead, chaud, ton père il est dead. Bah non. Ah non, mais je veux dire, dans le spectacle. Dans la série, dans bref. Non, non, mais les gens ils croient. Ah, pardon. Non, non, il est dans une ferme. Pas du tout. Dans une ferme. Dans une ferme, il est très heureux, il court avec plein d'autres papas. Il court avec tous là. Il est avec le père d'Adrien, avec mon père. Il s'amuse comme des foufous. Non, et donc du coup, des gens qui disent. C'est cool, j'ai rigolé d'un truc qui m'est arrivé que je trouve triste ou qui m'arrive et que je trouve triste. Oui. Et je pense que l'équilibre vient de là. Ça vient de moi qui me fout de la gueule de Kian et Kian qui est sérieux et après on trouve le bon truc. Ouais. C'est quand même marrant de compter jusqu'à 10. Ouais, ça, j'avoue, c'est marrant. Ouais, c'est mais est-ce que c'est pas aussi juste parce que c'est ce que vous aimez dans la fiction? C'est quand ça vous parle et que même si c'est un truc qui peut faire souffrir, là, de voir ça bien écrit. Moi, je m'avoue que t'es très fan de BoJack Horseman. Oui, c'est ça. Pour moi, la vie, c'est marrant et triste en même temps. Ouais. Donc, t'essayes de refaire un peu comme tu peux la vie. Bien sûr. Bah après, tu prends les tocs dans Aviator, il y a une scène sur des tocs, justement, il n'arrive pas à sortir de la salle de bain parce qu'il doit toucher la poignée. C'est Leonardo DiCaprio, c'est Scorsese, et du coup, il y a une sorte de c'est fait de manière dramatique. Ouais. Là, on l'a fait de manière comique, c'est juste, mais on a juste parlé d'un truc vrai, je pense. C'est ça, en fait, c'est l'essentiel. En Chine, tu connais En Fanfare, le film. Non, on l'a pas du pays. Pardon. Celle-là, il l'avait pas, Bruno, tu vois. J'ai pas compris. Parce qu'elle a aucun sens. J'ai pas compris. En Chine, en Fanfare, j'ai pas compris. C'est le mot en. Ah, il y a rien. Le chômage a atteint près de 16% chez les jeunes. C'est énorme. Et très compliqué à vivre parce que c'est un pays où pas travailler, c'est assez mal vu culturellement et par les parents des jeunes. À quelle solution, on recourt de plus en plus de jeunes dans le pays? Genre, ils font des TikTok live? Ils ne font pas de TikTok live. Attends, la solution des jeunes pour trouver du travail? Alors justement, très bonne question, ce n'est pas pour trouver du travail. Il a dit que j'avais fait une très bonne question. Ouais. Bravo. Bien joué. Marita. Et bravo, hop. Bravo, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Ouais, c'est bon, les tocs. On a 10 de retard. Ah ouais, tiens, là, les tocs là. Tac, tac, tac. C'est une très bonne question, mais est-ce que je peux avoir la réponse? C'est une très bonne question du coup. Je l'ai dit, ce n'est pas pour trouver du travail. Ah, c'est pour s'occuper? D'une certaine manière. Donc c'est des gens perdent leur travail. Non. D'autres gens comme ça, tu c'est pour faire croire à leurs parents qu'ils ont un travail. Oh. Très bonne. Ah. Donc ils ont quoi? Ils font semblant, ils mettent un costume, ils partent, ils font tous. Il va y avoir 16% d'affaires romans que des gens qui vont buter leur famille dans 2-3 ans. Ils payent des gens pour se faire passer pour leur patron. Et il dit, eh dis donc, viens, t'es pas venu au travail, c'est ça? C'est en fait, c'est un peu comme les faux avions, les faux jets là où les gens viennent, les influenceurs viennent pour se prendre en photo pour montrer qu'ils ont une life. Ils ont une sorte de c'est ça, de c'est d'entreprise ça. Fausse. C'est fou. Attends, c'est une entreprise de travail fictif. C'est fou, j'y ai pensé hier. Tu sais, il y a une histoire là. Devant Severance. C'est fou, j'y ai pensé. Plus ça va là, plus c'est genre ok, t'es au chômage, mais si tu refuses un emploi ou si tu n'as pas prouvé que tu as cherché, t'es, radié, t'es au RSA, mais tu dois faire. Et je m'étais dit, mais là il y a un biz de ouf à faire. Faut créer un biz pour aider les gens en vrai, de dire je fais une structure officielle qui passe son temps à faire des entretiens d'embauche et à prendre personne, qui te fait des fausses formations, des trucs comme ça, pour que tu continues d'avoir ton RSA, ton machin. Je me suis dit, mais faut créer une boîte pour que après toi tu vas à France Travail, tu dis bah si, regardez. J'y suis allé, là ça les intéresse et tu joues au long cours comme ça. C'est pas mal en fait. Il faudrait un milliardaire qui est un peu farfelu. Non, parce qu'en vrai, qui aimerait bien manger des sauces un peu épicées. C'est pas obligé de coûter cher. Bah non, mais il faut quand même financer parce que tu gagnes zéro avec ça. Non, mais c'est pas pour l'argent, c'est pour aider les gens. Oui, je sais, mais genre tu dépenses l'argent, donc faut quand même en mettre. Tu crées un truc, tu dis voilà, c'est du télétravail partout en France. Oui, je demande que, oui. des diplômes très bas ou aucun diplôme, pas de problème. En gros, il y a des arnaques en ce moment comme ça. Oui, alors, les trucs au CPL. Faites attention, les trucs au CPF. CPL, formation. Non, CPF, CPF. Compte pour formation. Ouais, CPF. T'as raison. Arnaque au CPF, peut-être. Je crois. Bon, je sais plus. Mais de faire l'équivalent, mais pour aider les gens. Genre, putain, je suis au RSA, je trouve rien, ils vont me radier. Tu fais, non, pas de problème. Tu dis que tu fais du télétravail avec moi. Oui, mais tu vois, la personne qui fait ça, qui passe les coups de fil toute la journée, elle travaille pas. Donc, il y a un moment où tu dois. À un moment. Donc il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui fait des bénévoles comme toutes les assos, des bénévoles. Ouais. En gros, t'arrives à trouver le business model de ça, t'arrives à rendre ça rentable, t'imagines? Ah mais je veux pas le rendre rentable. Imagine, t'arrives à trouver le truc rentable, ça devient une entreprise. Et après, t'en bouges vraiment les gens, et puis après, tu fais une boîte, et tu fais merde. Oh putain, j'ai une bête de boîte. Ah ça y est, je suis milliardaire, merde. Putain, j'étais parti à la base, c'était pour aider les gens, c'était l'embauche. Cela dit, il y a des arnaques où les gens vous font passer des entretiens d'embauche en ce moment par Skype, et en plus ils vous disent, par contre. Si vous êtes sans formation, c'est pas grave. Nous, on a une formation pour vous. Tu l'as fait avec ton CPF. Tu payes. Tu payes. En fait, après, c'est banane. Le gars, il est tout seul, en vrai. Ouais, ils sont deux. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ils sont deux. Il te dit, waouh, on peut t'employer, mais il faut que tu aies cette certification. Et c'est sa formation à lui, ouais, bah oui. Présentée par un autre gars. Voilà. Donc, ils ont. C'est une arnaque. Faites attention à vous. Ouais. Voilà. Pour cette entreprise, en tout cas, de travail fictif, c'est pas du tout un truc plutôt sympa parce que c'est vraiment payant. Donc ouais. Ah oui, d'accord. Des sous, bah ouais. Donc c'est cette idée-là, mais c'est alibi.com du travail, quoi. C'est exactement ça. C'est de quoi permettre à toute une génération de sauver les apparences. Un jeune homme témoigne. Ma famille voulait que je trouve un emploi. J'ai vu qu'il n'y avait pas de pression et de concurrence dans cette entreprise. Alors je me suis dit que ce serait idéal de rester ici. Mes parents pensent que j'ai un travail maintenant. Alors que c'est un jeune homme développé en art depuis 2 ans et donc qui a eu recours à ses services, fait semblant de travailler. Pour un peu moins de 4 euros par jour, il a un accès au bureau, une pause déjeuner et un cadre crédible au cas où sa famille veut l'appeler en visio. Alibi.com. Ouais, donc juste, il glande, il joue à la play, mais dans des bureaux. Quoi. Donc, d'accord, vous avez tous en tête l'affaire Roman. C'est vraiment l'affaire Roman à l'échelle. L'affaire Roman, c'est le gars qui a buté toute sa famille, qui a fait croire qu'il était médecin. Ouais, bien sûr. À l'échelle d'une population, j'arrive. Et qui finit un peu moins. Enfin, on sait pas. Peut-être. Bah ça si, finit, justement, c'est ça. C'est que là, ils sont en train de démarrer un truc où le gars, il va commencer à faire croire à ses parents pendant un an, 2 ans, 3 ans. Après, il va être là. Oh, j'ai été augmenté. Ouais. Oh, maintenant, je suis passé N+3. Et à la fin, il va les buter. C'est dommage. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Je suis d'accord. C'était d'ailleurs un des couplets de la chanson Dommage de Big Flo. Tuer ses parents à cause de la pression du travail. On a tous dit, il a tué ses parents. Ah, c'est dommage. C'est du coup la dernière fois. Cela dit, non, ça c'est une autre chanson de Mick Fioli avec Yann Kojandi. Monsieur tout le monde. Ouais. Mais c'est vrai. Tout se recoupe. Le mec de Bref. Ah c'est ça. Mais c'est moi. Ah, mais oui. Beau en vrai, hein. Il t'a regardé, je l'ai regardé. Mais oui. C'est clair. C'est quelque chose qu'on entend souvent et en France aussi. D'ailleurs, les parents qui n'ont pas confiance en leurs enfants quand ils veulent entreprendre une carrière plutôt artistique. Est-ce que vous, c'est un truc que vous avez vécu? Kian, toi, c'est quelque chose que tu as vécu? Moi, je suis fils d'immigré, donc première génération, en mode si on est venu, c'est pour le sacrifice. Donc, t'as 3 choix. Soit t'es ingénieur, soit t'es médecin, soit t'es avocat. Le reste, ça n'existe pas. Il faut que t'aies un statut social parce qu'on s'est fait marcher dessus. Donc, toi, tu dois devenir quelqu'un. C'est un peu ça, pour résumer. Et c'est tout ce qui était... Mais ce qui était triste, c'est qu'on a retrouvé une photo de mon père à 20 ans en train de faire du théâtre. Ah ouais? Genre il m'a interdit de faire comédien, tu vois, alors qu'il était lui-même comédien. Le biopic, non, jamais là. Dit. Là, le biopic, là. Ouais. C'est fou. C'est triste, hein, quand même. Ouais, Bah, Navo, une blague, je t'en supplie. Non, mais parce que moi, c'est vraiment l'exact l'inverse. Ouais, c'est ça. Et j'ai découvert pour la même raison. Et c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que moi, ma mère, vraiment, quoi que je fasse, elle me disait, c'est super. Chie dans une salade. Tu vas y arriver. Par le trou du cul. Par le trou du jeu. Chier dans une salade, t'as dit. Franchement, je pense que j'aurais chié dans une salade. Elle aurait dit, écoute, je sais pas exactement mais tu viens vas avec ça. Tu viens regarde ce qu'il a fait mon fils. Il a inventé le Pokéball. Exactement. Il a inventé le Pokéball. C'était vraiment ça. Et vraiment, des années plus tard, un jour, on discute. Et elle me dit, elle me raconte, mais vraiment, l'air de rien, une anecdote où j'étais là. Mais maman, mais c'est pour ça en fait que tu m'as toujours encouragé. Et elle me dit, quand j'étais au collège, je crois, j'étais tellement forte en dessin que mon prof de dessin. Forte en dessin ? Ouais. Que mon prof de. Ouais, forte en dessin. Elle dessinait douée bien. En dessin ? Ah, elle était forte en dessin. Ouais, toi, quand elle était au collège, elle était tellement forte en dessin que son prof s'est battu pour qu'elle aille dans une école d'art. il a obtenu le truc, genre il a dit écoutez regardez ça c'est formidable ce qu'elle fait, vraiment prenez-la l'année prochaine et tout etc. Elle a reçu la liste des fournitures. Ah oui, ok. Ses parents ont vu la liste des fournitures, ils ont dit bah, trop cher. De la vie, parce que c'était, elle était pauvre. Ouais. Jamais de la vie, tu vas travailler. Et elle a quitté l'école, elle est partie travailler. Oh putain. Et elle me raconte ça. Ça, c'est marrant, ça, c'est marrant. Et elle me raconte ça, normal, mais ouais. J'avais genre 39 ans. Ouais. Tu sais, c'était il y a quelques années. Incroyable. Mais maman, mais c'est pour ça. Tu vois bien qu'il y a un lien. Oh oui, peut-être. Oui. Mais non, des dessins. T'as, j'étais là, tu dessines. Dès que je voulais toi, faire un truc artistique, t'étais en mode, mais c'est le plus important, il faut que tu le fasses. Tu vois bien que c'est lié quand même. Donc c'est marrant parce que du coup, les mêmes. Le même départ n'a pas eu les mêmes conséquences sur l'éducation. Mais ton père, il a plus dit un singe. Putain, c'est horrible. Ça, c'est marrant. Ça, c'est horrible. Non, c'est horrible, mais marrant. Ah. Vous allez me dire. Non, c'est psychologiquement, c'est en fait. Si tu le vends comme ça, c'est plus drôle. Non. Si tu commences à pleurer, vraiment, ouais, ça gâche. Je me suis jamais rendu compte de ça. J'étais en train de me laver les mains un jour, bizarrement, c'est germophobe. Je me suis lavé les mains et j'ai réalisé ce qui s'est passé. J'étais en CM2, j'avais le premier rôle de la pièce de théâtre de l'école, qui est une école normalement qui crée des artistes, quoi. C'est une école de musique. On fait du théâtre, on fait de la danse. Il y a de la danse, il y a plein de choses, quoi. On prend des cours de langue dites étrangères, tu vois, pas habituelles. Vraiment, c'est un truc, on fait autre chose. Premier rôle, toute l'école. À la fin de l'année, me voit triompher vraiment dans le premier rôle de cette pièce. En même temps, j'ai un quatuor à cordes, j'ai un solo de violon, je suis dans l'orchestre, je fais la chorale, je fais un spectacle en russe. Vraiment, vraiment, ouais. C'était mon moment. Tu Rémi Bricca. Non, mais voilà, Rémi Bricca avec plein de cordes à son arc. Je sors de là, il y a un mec qui dit, je suis avec mon père, et le gars lui dit, putain, c'est votre fils, il a fait sacré truc ce soir, vous devez être fier de lui. Et mon père dit, oh, vous savez, même les singes, ils peuvent faire rire. Hein. Oh. Et j'ai pas réalisé sur le moment. C'est marrant. Mais je me rappelle d'avoir été brisé dans mon ventre. Bah, bien sûr. Mais je m'en suis rappelé que 30 ans plus tard. Ouais. Toi, Adrien, sur une carrière artistique, est-ce que tes parents ils ont pas trop compris? Est-ce qu'ils ont? Ouais, si. Non. En fait, j'ai jamais été méga encouragé par mes parents, mais ils m'ont pas non plus bridé, quoi. Il y avait un côté, c'est super, juste t'en battais les couilles de ta vie, quoi. Un peu. Mon père, il était dans sa zone, et ma mère, dans sa worse, on peut dire. Ouais, c'est ça. Hein. Et ma mère, c'était genre, ok, t'as le droit de faire ça, par contre, tu bosses, quoi. Ce que j'ai pas fait tellement. C'est un bon conseil quand même. Ouais. Oui, bien sûr. Non, mais c'était genre. Elle m'a jamais dit. Tu fais pas des études d'art, quoi. J'en ai fait. Et elle a dit, ok, tu le fais. Mais c'était pas non plus. Elle était pas derrière moi à me dire, tu vas y arriver, machin. Ouais. Mais il y avait pas non plus. Donc, bon, en vrai, moi, je suis. Ils t'ont un peu aidé financièrement ou pas? Oui. En fait, j'ai fait une école qui était privée sous contrat. Donc, c'est pas vraiment privé. Genre, ça coûte 30 000 balles, mais ça coûtait un peu de. 5 000 balles, à peu près. Comme ça, ça coûte cher quand même. Et pour l'année, quoi. Et du coup, elle a payé ça, quoi. Ouais. Et donc. Mais après. Psychologiquement, c'était pas genre c'est bien, elle était pas derrière mon dos. Après, elle était aussi très occupée, c'est ça, célibataire et tout. Elle avait pas forcément le temps. Moi, j'ai un peu vécu comme et toi. Et aussi, j'étais pas le préféré des enfants. C'est aussi peut-être parce qu'elle te faisait confiance. Ouais, grave. Non, mais tu vois, peut-être elle s'est dit, non, mais il est pas con, ça va rouler. De toute façon, quoi qu'il fasse, il va pas finir à la rue. Je suis pas persuadé, mais je sais pas, on verra. Je me souviens que quand il y a le premier sketch show. Bon, on l'appelle. Il y a eu un sketch show Golden Moustache qui était sorti et je lui avais dit. Elle m'a dit, ah, j'ai regardé. Ah, c'était nul, hein. Trop bien. Et après, je vois ce que tu veux dire par pas ou quoi. Non, elle a dit, non, non, mais les trucs avec toi c'était bien, mais bon, sinon. J'ai fait. Ouais, on dirait que tu t'es un peu rattrapé, c'est bizarre. Le gros avec son grand nez là, pardon. Si je peux me permettre, vas-y. Non, mais j'allais dire, moi c'est pareil, hein, je passe mes émissions à dire du mal de mes parents, mais moi ils m'ont quand même soutenu dans ce truc là, ils m'ont fait confiance. Il y avait un truc de pareil, tant que t'as des bonnes notes, tant que t'arrives à peu près à gérer. Moi mes études par exemple, j'ai fait un truc d'une fac, donc en fait ça coûtait pas de sous, c'était gratuit, c'était quand même des belles aides de l'État, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chance aussi, de la bourse, la CAF. Donc du coup ça coûtait pas très cher mensuellement mes études de cinéma, et ils m'ont laissé faire ça. Donc il y a quand même eu un truc de effectivement ils avaient leur vie. Moi c'était pile pendant qu'ils se séparaient aussi, ouais, donc bien sûr. Tu te dis bon, il y a quand même eu un soutien que plein d'enfants n'ont pas eu, tu vois. Oui. Donc on a quand même eu, moi j'ai quand même eu de la chance. Parce qu'apparemment c'est plutôt l'État français qui t'a soutenu. Non, parce que moi ils te calculaient pas, t'as ça que t'étais en train. Si. Et puis pour le coup, enfin là il y a une vraie je pense qu'en plus c'est ma petite c'est là où je suis très heureux même de ma relation avec mes parents aujourd'hui, c'est que c'est mieux que ce à quoi ils s'attendaient, quoi. ils pensaient vraiment pas que je ferais des... Enfin, ils n'osaient pas croire que je pourrais faire ça. Mais parce que c'est pas un, un manque de confiance en moi. C'est non, ça ne veut pas se projeter dans c'est un... C'est impossible, ouais, c'est tellement... Bah, c'est du, le genre le cinéma. C'est un autre monde, quoi. Et là, je l'ai vu, d'ailleurs, quand j'ai fait mon film, c'était autre chose. C'était trop bien, bloqué, la flamme, tout ça, mais... Là, c'est autre chose, tu vois. Il y avait un truc du coup. Ah ouais, c'est, oui, c'est validé. Il y a Charlotte Gainsbourg, donc c'est quelqu'un qui connaissait quand j'étais pas né. Enfin, tu vois, il y a un truc de. Alors que ma mère, elle, c'était. Ah, enfin, ils s'en rendent compte, c'était sûr. Ouais, mais c'est beau aussi. Il y a un truc vraiment différent. Ouais. C'est beau. Moi, juste, à la décharge de ma mère, quand même, le sketch show dont elle parlait était nul. C'est juste, elle aurait pu avoir du tact, mais il était vraiment pas bien. Oui, elle a eu l'honnêteté d'être. Ouais, voilà. Oui, bon. Est-ce que c'était avec une boisson sucrée Non. Ah oui, non, mais le spectacle de CM2 de Cannes était nul à chier aussi. J'étais vraiment à chier. Je joue un singe pour le coup. Oui, il a un peu cherché. C'est que cet enfant de 9 ans l'a cherché. Excusez-moi, il est coupable. Et ton père était au royaume des singes où effectivement des singes faisaient des trucs de malade mental. Donc, il a... Pour lui, c'était un compliment. Il était, quand il était petit, il était sauvé par un singe. Donc faut tout remettre un peu en contexte. Oui, t'as dit quelque chose, Yann, pardon, t'as coupé. Non, je sais plus. Mais en tout cas, ma femme, elle a été élevée comme. Pourquoi comme, tu me montres comme... dans ma femme. Non. Elle a été élevée comme Navo, dans la surconfiance en soi et dans le soutien inconditionnel. Ouais. En fait, c'est ce mot-là, c'est le conditionnel et inconditionnel qui change tout dans l'éducation. C'est moi, j'ai été élevé conditionnellement, c'est-à-dire si tu es bon en maths, je t'aime, en gros. Ouais. Et alors que Navo et ma femme, c'est genre vraiment, vous êtes. Parfait, si vous tu êtes tues super. Des gens, je t'aime. Non, mais c'est quoi qu'il. Ouais. Tu feras une connerie, c'est pas grave, on t'aimera toujours. Ouais, ouais. Et on te soutiendra même dans ta connerie et on va t'aider à avancer et on croit en toi. Et, ouais. Et c'est fou ce modèle parce que ça crée totalement un être humain différent. Mais moi, j'ai l'impression, mais pareil, j'ai pas votre expérience de life. J'arrive de plus en plus à comprendre que ça peut être compliqué. Parce que si ça échoue, tu te diras, ah, je lui ai fait croire un truc qui est pas possible. Enfin, tu vois, moi, vu que mes parents, ils m'ont eu à 19 ans. Je comprends qu'il y avait beaucoup de questions dans leur tête aussi. Ils t'ont eu, t'avais 19 ans. Ouais, direct. Ouais. Mais, je me chiais quand même dessus. Et t'as pas connu l'enfant en arrière. Ils m'ont quand même changé. Oh, c'est ouf. Non, mais tu vois, je mets ouais, ça. Ils avaient d'autres priorités aussi, ils avaient leur vie à vivre. C'était... Quoi. Ils ont beaucoup de choses à gérer, quoi. Passer tu vois, il y a bac. Un truc de. Bah, alors, j'avoue. Tu sais, c'est redoublé, tu passes le bac à ce moment-là. Ouais, bah, elle est redoublée, elle était enceinte. Donc, du coup, j'ai raté 2 ans, là. Il faut que je retourne quand même. Bien beau baiser, mais maintenant. C'était sur son bulletin scolaire. C'est bien beau de baiser. 4, c'est bien beau de baiser. Non, mais c'est peut-être parce que je vois, parce qu'on en a déjà parlé, le milieu dont tu viens, etc., où c'est un peu le côté rêve pas. Mais oui, c'est ça, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, rêve pas. Tu vas pas aller à la capitale, arrête de. Tu vas juste être très déçu et beaucoup souffrir. Ouais. Donc c'est même pas, ils m'ont pas dit rêve pas, va pas à la capitale. Encore une fois, non, mais je pense que eux, j'ai eu un délai. J'ai eu un délai de 3 ans. Ils ont internalisé. Oui, je pense. C'est de dire, oui, bon, il veut faire ça, ok, mais bon. C'est bon, il va passer. Tu vois, quand t'es intimement persuadé que c'est pas possible, tu peux c'est trop malgré tout motiver, dire à quelqu'un vas-y, mais t'y crois pas. T'y crois pas, donc tu dis c'est bien. Et vous aussi, votre j'espère mère. J'espère qu'il a un plan B. Et vous aussi, votre mère, elle s'est déjà menacée de se suicider à cause de vous. Non. Pas non, moi, non. Je crois pas. En Inde Non, moi je me souviens que ma mère elle m'a dit, parce que j'étais vraiment horrible avec elle, j'étais vraiment un ado, des enfants relous, mais je pense de 8 à 16 ans, genre ça a duré trop longtemps, comment j'étais chiant. Elle m'a juste menacé de moi-même. Je crois qu'on l'a mis dans bloqué d'ailleurs. On l'a mis dans bloqué. Ouais. Elle a dit j'espère qu'un jour t'auras un enfant comme toi. C'est ça qu'elle avait dit. C'est j'étais la gueule de la menace parce que je voyais, et en fait elle me l'a dit avec ce ton de. Il se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Ouais. T'as tellement un sentiment d'injustice. Ah, t'es seul, tu vois. Et il y a ce truc où ton enfant il se comporte mal tout le temps, il t'envoie chier. Et je pense qu'elle s'est dit j'ai qu'une solution là. J'espère qu'un jour, l'ordre, la justice sera rétablie parce qu'il va être confronté à un gamin comme lui. Ouais. Et du coup, ça m'a fait peur. J'ai pas d'enfant. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça a très bien marché. Je veux pas d'enfant comme moi. savez-vous ce qu'est le boomer asking? Alors c'est un mec de. Déjà, on sait pas, donc on est des boomers déjà. Et ben alors, justement. Oh. C'est quand on demande est-ce que je suis pas trop boomer, on se rassure. Alors, justement, ce n'est pas lié au terme boomer, effectivement. Ça n'est pas lié à ça. Ah bon? Et oui, je vous ai surpris là. Donc c'est lié à quoi? Boom. Mais un le mot boomer peut boomer nous aider à trouver? Oui, bien sûr. Mais c'est pas lié au baby boom? Non. Ok. Pas lié au boomer du tout? Non, c'est pas lié au baby boom. Mais ça peut quand même nous aider à trouver? Non. Bah, tu c'est un... pas le non le mot oui le mot boomer mais pas par rapport, par rapport à cette définition. C'est un mec dans un café qui demande un cacolac. Oui. Non. C'est un boomer asking. Attends, est-ce que ce serait genre une expression de quelqu'un qui tout d'un coup te pose une question, bam, comme Kian vient de faire, genre Et vous aussi, votre mère vous a dit qu'elle allait se suicider à cause de vous. Et là, boum, asking. Ah oui, alors non, c'est pas ça. Okay. Non. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été sublime. Ouais. Rien mais à voir avec mais je suis pas aussi bon, Bruno. Rien à voir avec le boudeur asking dans VTEP. Non, ça, non quand coup. On pose une question à boudeur, lui, Maurice. Non. Boomer. Regardez ce con. J'imagine boudeur. T'as bien, c'est ce que tu disais tout à l'heure. T'es rentré dans ma blague. Il te suit partout où tu vas. Tu dis j'ai fait caca, il dit caca deux fois. Il te suit quoi qu'il arrive. Boomer, la mère que j'ai jamais eu. B-O-O-M-E-R. Oui. Boomer, donc un rapport avec l'explosion Non, pas avec boom. Un rapport avec une boom là où on danse. Non. Ah, ça n'a rien à voir avec les boomers, les baby boomers. Non, rien du tout. Ah, d'accord. Et c'est la dernière fois qu'on posera cette question. Est-ce que ça a un rapport avec les baby boomers? Eh bien, écoute, Bruno, tout à fait. Ah, voilà. J'avais demandé 10 fois. Ok, d'accord. C'est des tocs. Attends, mais ça n'a rien à voir avec les baby boomers. Non, rien du tout. Ah, merde. Faut reposer 10 fois. C'est bizarre, je me sens comme quand mon père m'a dit que j'étais un singe. Quoi, attends. C'est mi-figue, mi-raisin, je me sens pas bien. C'est comme si il m'a dit que j'étais un singe. Il y a tellement de nuances dans cette émission, dans les réponses de. Ah là là. Putain, mais il y a rien à voir avec les Pokémon. Non. Bon, asking, c'est poser une question. C'est ça, c'est ouais. Complètement. Okay. C'est dans le cadre d'une conversation, effectivement. Tu sais que je vais être très énervé si au final c'est un rapport avec les boomers. Mais ça n'en aura pas. Écoute, Adrien. Arrête, aie confiance. Déjà, est-ce que les choses t'énervent si facilement que ça? Oui. Non. T'es pas quelqu'un qui s'énerve facilement. Non, t'es quelqu'un de détente. Je suis pas trop agacé. Ça ne t'énervera pas. Ok. Ça n'a vraiment rien à voir. Peut-être avec quand même. Non, je plaisante. Ok, mais donc il y a une autre définition de. Il y a donc, un autre sens du mot boomer. Si vous allez au bon endroit, c'est pas lié à l'explosion. Voilà. C'est lié au sexe. C'est pas lié au sexe, mais cherchez autour de boomer, boom. Effectivement. Boom. Boomer, c'est lié à la musique. Non, pas à la musique. C'est lié à une aux générations, peut-être. C'est pas un truc de génération. Les par exemple, une ancienne. Je sais pas, je pose la question. Peut-être, je sais pas, les gars, moi je suis peut-être pas très branché. Je suis peut-être un peu un boomer d'ailleurs pour le coup. Ah bah c'est peut-être qu'il y a ça. Quand on dit un boomer. Parce que quand tu joues à un jeu et tu poses 5 fois la question, est-ce que ça a un rapport avec les baby boomers? Et c'est ça le boomer asking. Non, ce n'est pas ça. Boom, ça peut être un bruit. Alors ça peut être de la musique. Est-ce que c'est lié au bruit boom? Non, tu m'as dit non. Pas d'explosion. Une voiture? Non, pas une voiture. Au côté boomer. Explosif? Pas au côté explosif. C'est un sens qu'on connaît nous de boomer. Ah oui, bien sûr. Parce que en fait vous cherchez c'est un sens qu'on peut trouver. En fait, est-ce qu'on connaît ou est-ce qu'on peut deviner, c'est pas pareil. Ah, non, vous connaissez. Est-ce que c'est un acronyme? Non, c'est pas un acronyme. Non, mais attends, c'est un sens qu'on connaît ou on peut le deviner. Alors de quoi? De boomer asking. De boomer, ouais. Parce que juste du mot boomer, il devient boomer. Fou. Là. Adrien, avant de chercher, il veut savoir si il a raison de chercher. Il dit non, est-ce que je peux trouver? Sinon, je cherche pas. Non, comment chercher? Mais parce que tu je te demande si c'est un sens du mot boomer qu'on connaît. Non, qu'on connaît. Il va me traiter de singe. Tu sais que le pire. Il va me traiter. Tu sais que c'est pour possible, ça que c'est pour ça que singe là. Tu sais que c'est pas drôle. Arrêtez, putain, c'est pas drôle. C'est pour ça que j'adore Adrien. En fait, il fait ce que j'ai appris à essayer de m'empêcher de faire dans la vie. C'est genre c'est celui-là boomer, mais quand tu me dis que je suis censé connaître, déjà, qu'est-ce qui te fait dire que je connais? Non mais est-ce que c'est parce qu'on a truc en commun qui fait qu'on connaît? Est-ce que c'est parce que c'est évident pour le monde? Et en fait, j'essaie de pas faire tout ça et juste de dire musique. Non. Mais là point, justement, taper du point sur moi, la table. Moi, j'ai le jeu du floodcast pour pouvoir le faire et ça a un intérêt. Donc je le fais là et je le fais moins dans la vie. C'est l'explication d'une blague. Genre, tu fais... Ah ouais, bah mange une banane plutôt. Est-ce que c'est dans une conversation du quotidien? Oui. Tu n'as pas répondu à ma question. C'est pas une. Attendez. Attendez. En tout cas, parce que vous dites à chaque fois, est-ce que c'est boom ou est-ce que c'est boomer? Ça peut être aussi le raccourci d'un mot. C'est un énorme indice, mais boomerang. Je sais pas. En fait, c'est de poser une question en retour. Répondre à une question par une question. Non, ce n'est pas ça. Poser une question en retour, c'est genre pour apprendre à comment tenir une conversation. Alors, c'est pas ça. Parce que je connais le terme boomerang pour ça. Ouais. C'est genre de dire, mais j'arrive jamais à parler avec les gens. Tu dis oui, mais parce que quand on me dit, t'aimes bien ton travail, tu réponds oui. Alors tu dois dire oui, et toi? D'accord. Est-ce que c'est un truc du genre, comme on dit, c'est un peu les moi aussi, c'est-à-dire de toujours rebondir sur soi quand on te dit quelque chose? Exactement, Kian, et c'est pour ça que je vous pose cette question, parce que vous en parlez. C'est les moi aussi. Alors c'est les moi aussi plus. C'est dans la saison 2 de Bref. Oh, attends, je viens de me rendre compte que dans Boomer Asking, si t'enlèves des lettres, ça fait boomerang. Ouais. C'est pour ça qu'ils l'ont. C'est un mot valise mélangé. Ouais. Tu vois que ça n'a rien à voir pour le coup avec les boomers. Ouais, je l'ai noté. Je l'ai noté. Rien à voir. C'est pas lié au boomer. Mais j'aurais peut-être dû vous le dire, ça. J'aurais dû vous le dire, ça. On a un peu cherché dans cette direction. Après, le boomerang. Peut-être un peu un truc de boomer. Pardon, pas. Non, mais c'est, mais c'est là que sors, c'est là tu que... sors un peu dans la rue, Adrien. Non, tu vois non, pas non, les jeunes jeter leur boomerang. C'est là que Flo nous a bien compris, parce qu'au lieu de dire je vous la donne, il nous a donné un indice d'une force. Mais nous on est quand même contents. On l'a trouvé. Un... Mais, c'est peut-être mais... un autre mot qui commence par boomer. ça peut être. Non mais c'était très difficile de vous aider bien et sûr, vous sortir oui. de non, ce petit marasme. Tu gères ça d'une main de maître. Merci beaucoup. Tu es le Alain Chabat du podcast. C'est tout ce que je voulais entendre. Du podcast. Du podcast. Moi je suis du coup je. Donc t'es quoi? T'es Jean-Pierre Bacri. Oh. Je sais pas si ça te ferait plaisir de. Tu connais Jean-Pierre Bacri? C'est le gars dans Didier là. Ouais, le gars. Le chien, ouais, qui... Oh, heureusement que tu poses la question. Tu vois, ouais. lui, tu vois, lui, c'est lui. Il est pas con lui. Ouais, oh là là. Con, lui, il toujours... est un peu grumpy. Hein, ouais. Il est un peu grumpy. Donc oui, boomer asking, c'est un nouveau mot qui arrive dans notre vocabulaire. Aucun rapport avec les. Pas dans le. Ah, ça n'arrivera jamais. Ah bah, non, vous n'allez jamais l'utiliser? Non. Ah bah, je vous dis pas. C'est comme les journaux qui font la liste des nouveaux mots des jeunes. T'as trop de swag. Aucun n'est dit pas. T'as trop de swag. Qu'est-ce que je te dis, toi? Non, mais quand j'étais jeune, je lisais la liste, je disais personne dit ça. Ah oui, donc du coup, tu fais plus confiance, même vieux, tu dis non, ouais. Pas me faire avoir comme mes parents. C'est pour ça qu'ils me disaient les mots bizarres. Ouais. Ils disaient ziva, ziva. Ouais, non, ça marche pas. C'est lancer une conversation pour pouvoir la ressaisir au vol, mais avec quelque chose en plus, pour se vanter. Ah oui, je vois. Par exemple. T'as quoi toi comme appart? Ah bah parce que moi j'ai un 300 mètres carrés pour seulement 1200 euros par mois en plein centre-ville. Ah oui putain. Tu vois? T'avais pas ce week-end? Ah non, parce que moi je suis allé voir Beyoncé, oh, c'était génial. Voilà, c'est tu. T'as fait quoi ce soir? Bah j'étais premier rôle d'une pièce. Ah ouais? Sale singe. C'est comme moi quand je demande t'as couché avec combien de meufs en même temps hier? Oui, bah oui, voilà, ouais, c'est du boomer asking. Moi je suis là, et bah moi une. Mieux, j'étais plus concentré du coup. Les dirigeants de l'équipe de foot alsacienne de Heidenheim viennent de prendre une décision très rare qui n'arrive quasiment jamais. À votre avis, laquelle? Ils ont interdit Laura Felpin dans le stade. J'essaie de trouver des liens avec Vous allez se rendre compte qu'il a un vrai édito, le gars s'est cassé la tête, il a fait des questions pour qu'on puisse rebondir et nous on est là boomer. Ah, vous allez voir ma transition après alors là. Alors, sur cette question ils ont interdit particulièrement la bouffe dans le stade. Pas la bouffe dans le stade. Pas de public. Pas de supporters. Est-ce que ça concerne l'équipe? Ça concerne l'équipe. Très bonne question. Les joueurs. C'est la deuxième très bonne question que tu fais. Ils n'ont pas le droit d'enlever leur t-shirt. Pas le... Ça, c'est déjà interdit. Je crois que c'est déjà interdit, mais pas, ouais, ça. Les marques, pas le droit de mettre des marques sur leur maillot. Attends, non, on est d'accord, c'est une équipe où je pense qu'il n'y a même pas de marques sur les maillots là. Bah, il y en a toujours un peu, mais des fois c'est genre ça dépend, centre commercial du coin. Ou le... On parle d'un club qui joue en championnat de Régional 1. Donc voilà, c'est petit. Tu vois, tu peux avoir le magasin. Il peut y avoir un petit truc. Des trucs comme ça. Il peut avoir le Floodcast par exemple. J'en rêve. En fait, comme c'est plus local, souvent t'as un sponsor un peu plus local. Tu pourrais le faire en plus, c'est pas. Adrien avait envie de le faire à une époque. De faire quoi? De sponsoriser l'équipe de basket. Équipe de quelque plus chose, de basket, ouais, mais ouais. Non, après, le logo du Flocka après, sur des maillots. Tu vois. Je vais garder mon argent pour moi. J'en ai pas tant que ça. C'est malin. Astucieux. Un conseil qu'on donne hein, d'ailleurs. Oh, ouais. Est-ce que c'est quelque donc, ça chose ça concerne vraiment l'équipe et quelque chose qui se passe pendant les matchs? Ça concerne les joueurs. Ça concerne les joueurs. Clopé. Pas pendant les matchs, plus général que ça. Pas clopé. Ça concerne les vestiaires. C'est une décision qui a été prise après une énième défaite. Ça concerne les vestiaires? Pas les vestiaires. Interdit de perdre. Interdit de boire. Ouais, interdit j'allais de dire, boire ouais. la veille. Un truc qu'ils font interdit la veille. Interdit de faire l'amour la veille. Attends, c'est pas quelque chose. Ils ont pas interdit quelque chose. Est-ce que c'est. Ils ont dit à partir de maintenant, on recrute que des joueurs qui. Ah putain, c'est dur. Ouais. C'est pas ça, mais ça concerne un truc de recrutement de joueurs. Donc, ils ont décidé de recruter des nouveaux joueurs. Alors, plus précisément, ils ont recruté des. Tous joueurs. Les nouveaux joueurs, ils ont remplacé entièrement l'équipe. Ils ont remplacé intégralement l'équipe. Ils étaient tellement pas contents. Le message est fort. C'est génial. Alors on a fait quelques recrutements. 22 joueurs. Non, on va être 44. Non. C'est marrant. Ça me fait penser à une conversation que j'ai souvent eue sur les gens qui disent ouais moi mon club c'est tel club. Ouais. C'est genre PSG, OM. Et je dis mais si demain tous les joueurs du PSG vont à l'OM et tous les joueurs de l'OM là de cette année vont au PSG. Ouais. Enfin, toujours PSG. Ouais c'est ça. C'est et j'étais là et en fait je comprends mais je trouve ça fascinant parce que tu dis attends c'est pas lié. C'est-à-dire que là, t'es en train de dire « Ouais, vas-y, t'es le meilleur, vas-y oui. !» Il change d'équipe. « Ouais, connard ouais, !» ouais, Encore plus, parce que tu t'es barré là, du PSG. Là, si tous les joueurs sont partis ailleurs, ce serait marrant que ce soit parti dans une autre équipe. Ah, c'est vrai. De voir, est-ce c'est que, un bon exercice coup, de pensée. Est-ce que les supporters de cette équipe sont partis dans l'autre équipe en disant « Bah, vas-y hein. !» Bah là, il n'y a plus un joueur, donc oui, c'est sûr que... Les dirigeants du FC Heidenheim dans le Bas-Rhin ont très peu goûté à l'humiliation subie le 26 janvier dernier contre l'équipe de l'AS Nancy-Lorraine. Avec un score, faut quand même le dire, assez difficile de 20-0. C'est beaucoup. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ils ont en effet décidé de se séparer de l'ensemble des joueurs de l'équipe première. dernière. Depuis le début de la saison, la majorité des joueurs n'ont pas respecté les valeurs du club ni les efforts des bénévoles présents chaque week-end à expliquer le club sur en sa vrai, page Facebook. En vrai, 20-0, ça ressemble plus à quand les gars font exprès de pas jouer ou de faire la grève, etc. Ouais. Les records à chaque fois de score, c'est des mecs qui faisaient la grève en vrai. Mmh. 20-0, faut vraiment pas avoir envie de jouer, je pense. Écoute, oui, Parce qu'à un moment, tu dis, bon, au pire, on se met les 11 dans les cages. Ouais, ouais, voilà. Vers 18-0, tu dis, venez, on se met tous en défense. Voilà. Bah après, c'est du coup. Une... C'est... On se met les 11 dans les cages. Ouais. On a perdu son honneur là. 20-0, ça sent un peu le. La remontada va être compliquée. Voilà, voilà. 20-0. Ça sent le sabotage. Je sais pas si c'est le cas. Désolé. Je sais pas, j'ai pas... Si c'est le cas, c'est une raison de. Oui, de les gérer tous quoi. Non, j'ai pas tous les détails, tous les tenants et aboutissants. Ouais, désolé, c'est pas le cas, les joueurs. Si oui, juste vous avez eu du mal, désolé. Évidemment, on n'a pas. On dit ça, c'est nul. Vous êtes juste nul. Ouais. Voilà. Le club est actuellement bon dernier du championnat de régional 1 de football avec 0 victoire et seulement un match nul. Donc 0-0, j'imagine. Sûrement. Dimanche dernier, le club recevait Champignol avec sa nouvelle équipe. Champignol, c'est en Spirou. Ils sont au stade, ils jouent contre des villes imaginaires. Bah, en fait, vu qu'ils on joue contre Champignac. En fait, ils perdent tellement qu'ils jouent contre des persos imaginaires maintenant. Allez, on va faire un match. Tout le monde ferme les yeux. Vous imaginez Champignac. Merde, après but là. Mais non, mais Fantasio qui passe au marsupilami. Ouba ouba. Petit pont d'Astérix. Dimanche dernier, le club donc recevait Champignac, mais ils n'ont perdu que 3-1. Et donc du coup, ça va mieux déjà. Bah ouais, 3-1. Après avoir remplacé tous les joueurs. Ils ont remplacé tous les joueurs. Ils ont perdu 3-1. Non, mais il faut leur laisser le temps quand même. Ils venaient de 20-0. Le temps qu'ils se découvrent. Oui, puis bon, les c'est jamais facile d'intégrer une nouvelle équipe. Puis il faut un effort, j'imagine, les mecs. Ils sont en chaud. C'est dans le Spirou. Champignol, j'avoue, c'est hilarant. Comme mais monsieur de Pontagnac, arrêtez! Désolé pour tous les champignolais, j'imagine. Évidemment. Je voulais pas. Voilà, mais vous savez que le nom de votre ville, elle est rigolote. C'est drôle. Mais le chauvinisme est toujours un peu marrant sur les villes. C'est quelque chose que je comprends pas toujours. Récemment, on a reçu Léopold Le Marchand qui a fait une blague genre, oui, tout le monde dit que Angers c'est sublime, c'est pas si beau. Et il m'a envoyé un tweet d'un gars qui a mis, c'est con, je l'aimais bien, il passe dans notre ville, il va pas y avoir grand monde. C'est comme les supporters. Oui, c'est ça. Moi, ce que je trouve marrant, c'est quand j'en fais un peu là en ce moment. Je fais de la veille un petit peu pour voir qu'est-ce que disent les journalistes, et dès que c'est un truc d'une région, d'un comédien ou d'une comédienne, c'est cette personne qui vient, tu vois, c'est le truc de Reims, ils vont dire Kian Kojandi et Kevin Kojandi de Reims, les Rémois reviennent, tu vois, je trouve ça toujours un peu mignon. Il y a un truc un peu dans le journal local, ils vont parler du trois Normands, je crois que j'ai vu un truc genre trois Normands dans, tu vois, il y a Aurel, Baptiste, je crois, j'ai plus qu'il y avait d'autres. Il y a trois Normands dans Bref. Ah ouais, c'est magnifique. Mais c'est ambitieux, ça ouvre des portes. Ça, oui, c'est ça, mais je trouve ça cool en plus. Non, mais en plus, je trouve ça cool. Non, mais je trouve ça cool par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. De pouvoir se projeter dans les trucs. Parce que c'est justement Baptiste qui disait. Bah, c'est ce que oh là là, Adrien, c'est ce que j'allais raconter. Bah, bien sûr, j'ai la chiasse. Non, Baptiste, vous êtes la main gauche. Je me suis jamais. Bah, parce qu'il tient son micro et puis. Bon, je sais pas. Il a eu besoin de justifier. Tu ferais Mercury, excuse-moi. Depuis le début, toi. Bien sûr. Baptiste qui disait je m'étais jamais imaginé que je pouvais être acteur, et là, tu vas pouvoir être plus précis que moi. C'est Jacques Gamblin. Voilà, il a vu un film avec Jacques Gamblin et son père lui a dit ah bah, il vient de chez nous, lui. Et il s'est dit oh putain, il y a des mecs de chez nous qui sont acteurs, et du coup je me suis dit peut-être que je peux être acteur. C'est l'importance de la représentation dont exactement. On parle en vrai souvent. Comme Kian il m'a dit moi je n'imaginais pas que c'était possible d'être comédien. Pour moi c'était les gens dans la télé, c'est des gens dans moi la télé. Pareil, c'était ça. C'est pour ça que vraiment quand Golden Moustache ils m'ont proposé, j'étais genre il y a erreur quoi, tu vois, vous êtes trompé, c'était même pas possible quoi. Donc je m'étais jamais pourtant c'est ce que je disais, c'est que moi quand j'étais en primaire j'écrivais des sketchs, les jouais dans la cour de récré et tout. Mais après, c'est genre, oui, bon, bah voilà, c'est le truc de la récré, quoi. Alors que moi, ma mère, elle m'a dit que j'allais avoir 16 Oscars. Je les ai pas, bah voilà, bah super. Merci, maman. Bah, je suis nul. Tu vas finir en duo avec un singe. Bah, non, mais arrêtez. Non, il a pas dit que c'était un singe. Il a dit que même un singe. Oui, mais Adrien, dans l'histoire, préfère que Kian soit un singe, malheureusement. Moi, j'adore. Moi, alors, je sais pas si vous avez lu Sapiens, mais en fait, on est tous des singes. Alors, je vous le dis, c'est dingue. Alors, c'est des grands singes. On a divagué, alors j'avais une superbe transition. Parce qu'on parlait d'un club qui a changé tout le monde. Attention, vous êtes prêts? Changer toute une équipe, c'est pas quelque chose que vous avez fait sur Bref 2. Oh là là. Parce que ce soit devant ou derrière la caméra. Comment il fait pour trouver les liens comme ça? Là, c'est France Inter. Vous avez retrouvé plein de gens. Non, mais est-ce que c'était. Alors, important, j'imagine. Mais est-ce que du coup, il y a des. Après autant d'années, est-ce qu'il y a des automatismes qui reviennent? Ou au contraire, est-ce qu'il faut. Vu que le format change, il faut changer des trucs. Vous avez retrouvé votre directeur de la photo. Il y a plein de comédiens que vous avez retrouvés. Certains que vous avez. Jamais avec qui vous aviez pas retravaillé depuis même. Ouais, comment ça se recrée tout ça? Est-ce qu'il y a le fameux fantasme de c'est comme si rien n'avait changé, ou au contraire justement il a fallu se retrouver, etc. Non, c'était assez fluide, je t'avoue, c'était cool. Les gens étaient enthousiastes, ils étaient trop contents de ressortir un peu leurs personnages de leurs écrans, et c'était assez fluide. Ouais. Même avec genre le changement de format et tout, il y a pas eu des choses à. Non, parce que tout le monde était excité de jouer plus, parce que si tu veux, ils ont tous un peu la pression à l'époque de Bref 1. Ils ont tous, ils sont tous passés 3 jours, 4 jours max. Oui, bah oui. Ils sont jamais passés plus. Et après, ils par exemple. Quand on met les scènes de Kairon, par exemple, bout à bout, je crois que ça fait 56 secondes, quoi, ouais. En tout. Et tu vois, et il n'a pas plus joué que ça. Il venait nous voir de temps en temps, fin. Et bon, Kairon, c'est un bon exemple parce qu'il est moins dans la saison 2. Mais. Non, mais Baptiste. Mais ou, Baptiste, ouais, voilà, et là, c'est cool, ils avaient des vraies scènes à jouer, quoi. Fait des, tu vois, on a fait des lectures, j'étais trop content, moi. C'est des comédiens, ils sont là, ils font un dialogue. Ils sont là, ils disent, non, en gros, là. Faut pas que tu t'énerves à ce moment-là. Regarde, en gros, la manière, tu sais, j'expliquais, j'étais là, waouh, c'est trop bien. Ouais. On n'a jamais fait ça pour Bref. Tu vois, de dire, là, c'est ce mot-là qui te fait tiquer. Là, le moment où il dit ça, c'est là que ça t'enclenche. Ah, ok, ok. Ouais. Et en fait, c'était trop bien parce que nous, on sait que sont des excellents comédiens, mais jusqu'à maintenant, on les sous. Quand on a fait Serge le Mytho, c'était parce qu'on a sous-exploité Jonathan dans Bref. Ouais. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là de dire, ah, enfin, on peut. Leur faire des vraies scènes à jouer intéressantes avec de la comédie qui prend un peu son temps, quoi. Et sur le. C'est nous les Leroy qui nous a donné envie de faire ça. Bah écoute. Bah, c'est une influence principale pour Bref. Ouais. Ça a été le déclencheur d'ailleurs. Ouais. Bah, je comprends. Mais j'ai quand même une question, moi, encore sur le montage. Est-ce que. Parce que c'est le truc du changement de format, c'est une question un peu geekos, mais on sait qu'on est aussi écouté par les geekos. Comment. Est-ce que c'est. Vous aviez très en tête dès l'écriture comment vous alliez transformer le format? Ou est-ce que quand même il y a eu un peu un truc de montage où il a fallu un peu retrouver quelque chose, on vous dit là c'est trop disons un long épisode de Bref 1 et c'est pas Bref 2, ou est-ce que c'était pensé dès le début? Je te dis la vérité, toutes les questions sérieuses c'est qu'il y en a non mais la vérité, on ne savait pas si ça allait fonctionner. Ouais, c'est-à-dire que on s'est lancé dans un format en se disant bah ça se trouve ça marchera pas. Ouais, on se dit et en fait quand on a sorti la première V1 de l'épisode 1, c'est-à-dire la première fois qu'on a l'épisode de A à Z, on l'a regardé et on s'est dit ah putain ça tient, j'ai l'impression c'est que ça fou, tient quoi. Ouais. Et Disney a dit putain ça tient, tout le monde était en mode ouh ça tient. On savait pas du tout, c'était une prise de risque. Ouais. Et aujourd'hui j'ai l'impression avec le retour de la presse, là pour l'instant là on enregistre c'est pas encore sorti, mais avec le retour de la presse et tout, j'ai l'impression que ça tient, que les gens le regardent au Rex et que ça se maintient dans l'histoire. Et donc on savait pas. C'est presque un truc je trouve de poème filmé presque d'un moment de là c'est l'épisode sur les papas, là c'est l'épisode sur la maladie, avec aussi le plaisir de qu'est-il arrivé au personnage que je trouve vraiment bien. Et franchement bravo d'avoir réussi à imposer ça et de le tenir, parce que si juste vous aviez le droit et que c'était nul ça marcherait pas, mais vu qu'en plus c'est bien, franchement bravo. Moi ça m'a un peu libéré même des trucs de narratif des fois un peu relou de voilà, là c'est juste c'est des histoires de gens normaux. Trop bien, ça t'a fait l'effet. En vrai, nous c'est ça fait l'effet tranche de vie en fait. Que nous a fait Amélie Poulain et les films de Clapiche. Exactement. Tu vois, à l'époque de Bref 1 et aussi en vrai quand on s'est mis à faire Bref 2, parce que je me souviens c'est un des trucs que je t'avais dit. Je t'avais dit mais du coup je t'ai dit mais les gens ils vont juste nous griller si on fait plus long dans le format de Bref, les gens ils vont voir que c'est Amélie Poulain. Tu vois, ils vont voir, ça part dans tous les sens. Il y a des gens comme des gens comme ça. Si je peux te rassurer, même un singe peut le faire vraiment. Vraiment, faut pas non plus. Un singe aidé par Navo. Oui. Voilà. Non, mais voilà. Non, mais moi, je savais que ça allait cartonner, que ça allait marcher, mais c'est ma mère qui me l'avait dit. C'est ça, dès le début. Elle avait rien vu. Elle m'a dit, ça va cartonner. Ma mère m'a dit, c'est nul par contre. Vicky Ball. Ah ouais. C'est son vrai nom. Elle est l'autrice d'un best-seller. J'adore. Ah, Abandoned. À votre avis, pourquoi a-t-elle vendu autant de livres? Abandoned, ça s'appelle. Ça va pas vous aider. Est-ce que c'est les livres un peu, un peu gothique, love, tout oui, ça. Genre Twilight un petit peu. Maintenant, il y a une vraie tendance à ça, quoi. Oui. Un truc qui cartonne aujourd'hui, ça. Alors, je crois que c'est un peu le genre du livre qu'elle a écrit, mais ce n'est pas la raison pour laquelle ça a cartonné. La raison pour laquelle. Est-ce que c'est lié à un personnage dans le livre? Ce n'est pas lié. Je vais même vous dire mieux, ce n'est pas lié avec le contenu du livre. C'est elle, lié parce qu'elle elle. Est décédée. C'est lié à elle est pas décédée. Est-ce qu'elle a, fait quelque chose? Elle a fait exactement de ce qu'elle a fait. Elle a fait un truc qui fait que plein de gens ont voulu acheter son bouquin. Mais pas pour le lire. Super idée marketing. C'est même pas une super idée marketing, mais le résultat a fait que... Ils ont acheté le livre pour le lire ? Elle a tué quelqu'un. Ils ont acheté le livre parce qu'il a une autre utilité ? Non, ils l'ont acheté le livre, je pense, pas forcément pour le lire, mais il a pas fait seulement... Pour la soutenir. Très bonne... Et alors pourquoi ? Pourquoi la soutenir ? Elle a... Il lui a rien arrivé de grave, hein, avant qu'on aille dans les trucs glauques. Elle s'est fait bully ? Elle s'est pas fait bully. Est-ce qu'elle a... Elle a fait une déclaration. C'est lié. Alors c'est pas un truc genre elle a défendu un super combat, mais ou genre, elle lui est arrivé un truc ou grave. Camille Combal. Lui arrive un truc. Bah ouais. Putain, mais genre le contre Trump, un truc comme ça. Non, voilà, ouais, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça du tout. Elle a sauvé un chien. Non, elle a rien fait de particulièrement sublime. Ça, ça suffit. Donc, maintenant, donc c'est pas. C'est pas ça, le... Elle mérite pas, quoi. Donc, en gros, c'est un rapport avec le boomer. Elle a dit à tout le monde, t'as sorti quoi récemment? Parce que moi j'ai sorti un livre et ça a marché. Donc c'est pas lié à une autre utilité du livre, c'est lié au fait de la soutenir. Exactement. Et elle a fait quelque chose. Mais c'est pas parce qu'elle a une maladie ou parce que c'était un truc avec une asso, c'est pas pour la soutenir. Il lui est arrivé quelque chose ou pas? Ou c'est quelque chose qu'elle a fait? C'est plutôt quelque chose qui lui est pas arrivé. Est-ce qu'elle s'est faite humilier d'une manière ou d'une autre par une émission, par un truc? Quelqu'un a dit du mal d'elle? Tu vois, genre Elon Musk a dit je déteste ce livre et du coup tout le monde l'a acheté. Alors non, c'est pas ça. Mais tu dis c'est quelque chose qui lui est pas arrivé. Justement. Ouais. Elle a évité, mais de son propre fait? C'est-à-dire elle a fait quelque chose pour éviter ça? Non. Ou juste non, ça lui est pas arrivé? Elle a, disons, je vais même aller plus loin, elle a pas eu de chance. À, c'est lié à quelque chose lié à. Ouais. Son livre est sorti à un elle moment. Elle aurait dû mourir? À un moment nul à chier, genre le 11 septembre ou. Tu vois, non, un c'est truc pas, comme ça. C'est pas ça, mais c'est lié. Là, on est vraiment très proche de la réponse. C'est genre, hein. Elle a vécu ce que les gens ont vu comme une injustice pour son livre et ils ont voulu réparer cette injustice. Exactement. Exactement. Ah, son livre pas est une injustice. Sorti. C'est pas tant une injustice, mais ils ont eu de la peine. Mauvaise impression, un truc. Non, est-ce mal que c'est son livre est sorti en même temps qu'autre chose et du coup personne. Non. C'est non, pas non. Genre il est sorti le jour David où Trump Chico a de... été. Ah oui, non. Genre quand le mec s'est fait buter là par Luigi Mangione. Le titre. Est-ce qu'il a été brûlé son bouquin dans une usine, l'usine à bouquins dans la couverture? Non, l'image c'est, de couverture. C'est par rapport à une photo sur les réseaux sociaux qu'elle a postée elle-même, donc pas un truc. Ah, je sais. Ah, elle n'a pas vendu un et elle était trop contente. C'est ça. En fait, elle a fait un tweet parce qu'elle a vendu deux livres dans un salon du livre et elle a fait un tweet très premier degré où elle disait merci beaucoup aux gens qui ont acheté mes deux livres sur ceux que j'avais et que j'ai dédicacés. Ça me fait trop plaisir. Et donc, ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Ah, et oui, donc, c'est, genre, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et donc, du coup, tout le monde, enfin, beaucoup de gens ont voulu l'acheter sur Amazon et sur tous les trucs d'achat. Et après, elle a dit je déconne, j'en avais vendu 200 et je vous ai bien niqué. La technique de la pitié, quoi. Exactement. C'est voilà. Et donc, ça. Excusez-moi, ça... j'avais lu la news, mais il y a un mois. Mais et tu plaisantes, mais, y a mais aucun t'excuses problème, pas du tout. En fait, c'est un jeu, gros singe que t'es. Waouh! Dans deux minutes, il limite le singe debout sur la table. Mais je mettrai un point d'honneur à ce que la comité du Floodcast qui met des saxophones dans les commentaires mette des têtes de singe maintenant. Voilà. Oh oui, sur les publications de Bref, mettez des têtes de singe. Personne ne va comprendre. Sur, ah, mais ça, vous allez y goûter. Je vous invite. Vraiment. Mais moi j'adore des running gags du Floodcast, le saxophone, moi, c'est que préfère. Oui, parce aussi. Que les gens ne comprennent pas, justement. Mais attends, qu'il y a un côté. Mais surtout que ça commence à prendre. Ça pue du sax, non, c'est ça? Ça envoie du sax. C'est une expression qu'on a. On n'a pas inventé, mais c'est toi, populariser. Oui, en gros, j'ai dit que sur un tournage, on avait inventé l'expression ça envoie du sax pour dire ça, c'est bien quoi. Ouais. C'est, un et peu ringard coup, quoi. Mais truc ringard, et du coup, c'est devenu un peu une expression liée au podcast. Et du coup, maintenant, l'emoji sax, genre par exemple, quand il y a Hideo Kojima qui dit vermine, c'est super sur Insta. Sur les commentaires d'Hideo Kojima. Tous les commentaires, Kojima. C'est des emoji sax. Et donc, personne ne comprend. C'est un peu rien, c'est avec Evil Dead. Et tout, donc voilà. Wow, et là, il y a des sexes, des emojis sax sous le Hollywood Reporter. Voilà. Et il y a Vanitchek qui m'ont rendu compte en disant fan, c'est vraiment relou de bosser avec toi, avec tes fans casse-couilles. Gros, t'es fan là. Mais non, mais je veux pas des singes, alors je veux des sax sous les trucs de Bref. On veut des sax. Non, de toute façon, les gens ils font ce qu'ils veulent, je sais pas pourquoi je leur donne un ordre. Non, ce sera des singes. Parce que je suis pas dedans. Je m'en fous. Écoutez, il a mis. Mais non, il est dans Bref, c'est un des premiers acteurs à être dans Bref. T'es dans le dernier épisode de Bref 1 et il est dans le premier épisode de Bref 2, Flo. C'est vrai. Je sais, donc c'est ça qu'on et c'est d'ailleurs faire. Pour ça qu'ils ça ont que... fait la saison 2 de Bref. Ouais. C'était pour créer ce lien. Quand tu regardes tout d'affilée, tu dis putain, il y a un épisode, il y a Adrien, l'épisode d'après, il y a Flo. Et je sais pas si t'as vu, mais si tu coupes un mot sur deux de ta phrase et tu rajoutes avec ça fait. Ça envoie du sax. En latin. Oh, les petits easter eggs. Ah, bah, c'est les easter eggs. C'est les easter eggs. Est-ce que écrire un bouquin, ça vous tenterait? Parce que c'est vrai que Bref, il y a beaucoup. Par hasard. Bah, j'ai rien dit. Parce qu'il y a beaucoup de premières personnes dans Bref. Si tu veux envoyer un WhatsApp, dites ça. Il parle du bouquin. Ouais, c'est vrai. C'est mon attaché de presse et mon agence de com. J'ai mis dans le mille? Non, en vrai. L'agence de com. Non. Non? Ah ouais, dans le mille total. Ah ouais, bah, il est en train couper, d'écrire un livre. Couper, on peut couper. Mémoire d'un. Bon, allez. Non, mais c'est un format qui m'intéresse. Qui t'intéresse. Parce que Bref, il y a presque un côté parfois. Et moi, c'est ce que j'adore. Côté roman, justement, même dans l'observation des autres et tout. Vu qu'en plus, c'est au passé, en fait, Bref. ça qui est marrant. Mmh. Il parle de gens. C'est vrai qu'on sait tout, on a toujours pas élucidé à qui il parle. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est une question en suspens chez nous. Et toi, Bruno, écrire un bouquin, ça pourrait être. Moi, ça paraît être un truc insurmontable. J'ai l'impression que c'est très long. En fait, il y a en gros comme. Alors peut-être si j'écris à plusieurs, un livre écrit à plusieurs, c'est un peu bizarre parce qu'en fait moi, c'est vrai, si c'est fou, ça existe pas trop. Oui, tout seul. Oui, si je fais un truc tout seul, tu le fais pas. Je le fais pas. Ouais. En fait, au bout de deux chapitres, j'ai mais je m'emmerde. En fait, je m'en fous. Tu j'ai la Switch. Ouais. C'est exactement. Ouais. Soit j'ai une idée mais qui me transcende tellement et où je me dis ça ne peut être qu'un roman de 200 pages, 300 pages. Il faut que je l'écrive. Point. Sans t'arrêter. À chaque fois que j'ai essayé d'écrire un truc. Bah, je me fais yesh en fait, je me tourne, je dis qu'est-ce que t'en penses, il y a personne, je dis j'en pense qu'on peut aller jouer à la play, donc non pas du tout, j'avais quand même une petite envie et du coup ça aurait été d'écrire un livre à plusieurs, c'est, je me disais à un moment ça pourrait être marrant de faire des espèces de romans de gare, des aventures de Serge Le Mytho, que ce soit un peu comme un San Antonio, un truc comme ça, où c'est vraiment une longue aventure, mais je me disais le plus marrant pour l'écrire, de son point de vue. Ouais, c'est ça. Qui disent, tu vois, ce jour-là, j'étais vraiment nanana. Le FBI français m'appelle. Je n'ai pas le temps, tu vois. Et que ce soit vraiment, ça trace un peu un roman assez court. Ouais. Que genre, tu vends l'été pour lire sur la plage et tu tapes des barres. Et je me disais, bah, la meilleure façon de l'écrire, c'est juste de ramener Jonathan et Kian. On s'assoit à une table. Ma magnétophone. Bah voilà, oui, c'est ça. Je note tout ce qu'il raconte, tout ce qu'on raconte, on dit que de la merde. Et après, je le structure. Et là, je pense que ça me motiverait. C'est drôle. Ouais, alors, c'est très drôle que tu dises ça parce que j'avais proposé à Jonathan d'écrire l'autobiographie de Marc. Allez. Moi je voulais écrire parce qu'il y avait Will Ferrell qui avait fait ça. Faut demander à Ben Stiller aussi, donc c'est drôle. Ouais, c'est déjà. Non, mais c'était le Will Ferrell avait fait ça avec son personnage d'Anchorman, une autobiographie, donc c'est le perso qui parle. Et moi je trouvais ça trop marrant, je voulais trop faire l'autobiographie de Marc de la Flamme. Ouais, grave. Et voilà, il pouvait parler de plein de choses, donc c'est drôle. C'est lié aussi à Jonathan Cohen. Ouais, c'est super. Marrant quand même. Tout comme moi, quoi. J'ai un dernier petit jeu à faire, inspiré de vous deux. Je vais faire le multi-blind test des copains. Wow. Qu'est-ce que c'est le multi-blind test des copains? Des phrases de gens qu'on connaît. Alors, ça reste de la musique. Ok. Mais c'est uniquement avec des gens qui sont dans Bref 2. Je crois que c'est que des gens de Bref 2. Je me demande s'il n'y a pas des gens de Bref 1 aussi, mais je crois que non, c'est que des gens de Bref 2. Donc, je vais vous faire écouter plein de choses. On est bien avantagé par rapport à Adrien, quoi. Bah non, parce que c'est là où je dis c'est le multi-blind test, parce que j'ai pris quand même que des gens. À part hein, bah. Que tu connais en fait, oui, voilà, c'est que des acteurs que, avec qui t'as déjà travaillé ou que tu connais, qu'on a déjà reçu dans le podcast, etc. T'inquiète, écoute, donc, non, mais je le dis. Et moi, j'ai rien dit, moi. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ah, parce que je tiens à préciser quand même, mais les gens doivent le savoir vu qu'ils sont fans. Adrien adore jouer, adore la compétition, mais il est toujours en mode V, on compte pas les points, on s'en fout. Oui, ah, mais j'adore pas la compétition. J'adore jouer. Oui, mais le fait qu'en face de toi, il y a des gens qui jouent vraiment. T'étais comme moi, ça te met la flemme quand les gens jouent. Ouais, je m'en fous de jouer. Parce que pour moi, la compétition, c'est vouloir gagner, alors que moi, c'est vraiment jouer. Oui, pas dans le sens le challenge, mais dans le sens que les gens s'investissent dans le jeu. Ouais. Sinon, c'est pas rigolo. Et ne triche pas. Voilà. Et ne triche pas. Et qu'après, on est content, mais c'est pas pour le plaisir de gagner, c'est pour le plaisir c'est de jouer. Le chemin. Voilà. Et je suis assez proche d'Adrien là-dessus. Voilà. Donc, on compte les points. Alors. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Alors, attends, juste, par contre, j'adore. Battre les gens qui sont très compétitifs. Ah, qui moi veulent absolument aussi, gagner. Alors moi je m'en fous de gagner, mais quand je les bats, je suis content, genre parce que les gens qui me disent "Eh, je vais t'éclater au blind test." Après je les bats et je suis un peu content. Je suis carrément Eminem là. J'arrivais, je m'en foutais, je rentre dans le battle. Tu devais pas m'éclater normalement parce que t'avais dit que tu devais m'éclater. Et là, ils font, vas-y, c'est bon. Vegan, ils disent ça souvent. Ouais. Alors, attention, vous êtes prêts? C'est parti. Il y en a combien? 5 en même temps. Il y a Laura Feldman qui fait les cafés 3 cafés gourmands. Il y a Laura Feldman qui fait exactement. Les 3 cafés gourmands avec le palmacho. Je le supprime du coup relance. C'était le jeu de Bruno, c'est vrai que je l'ai même pas dit. C'est pour ça que je le fais, c'est le jeu que fait Bruno dans un bon moment. C'est le jeu de tout le monde. Bruno Quiz, tout le monde y joue. Il est open source, Bruno. Jonathan Cohen, fucking Fred. Il y a fucking Fred, exactement. Je le supprime également. Voilà, putain, en fait, il est dur ce jeu parce que moi, normalement, je l'anime. Je suis là, bah oui, c'est évident. Mais quelle horreur, on comprend rien. C'est très bruyant. C'est désagréable ce jeu. Mais c'est un jeu qui est de plus en plus simple parce qu'effectivement, à chaque fois, on a chaque manche. Je suis content que vous l'ayez fait vous-même, j'aurais dû le préciser. Dites la chanson qui va avec. Ok. C'est pas juste tous les gens que je connais. C'est Bonjour Paris, bienvenue dans mon cul. Oui, c'est Fucking Fred. Qui d'ailleurs. Son faux documentaire sur Prime Vidéo avec Orelsan. Voilà. Vous pouvez voir qu'il y a des navets parce qu'il y a toute une séquence. Enfin, vous êtes au courant, j'imagine. Séquence qui se passe pendant 60 sur le tournage de Bloqué. Ah bon? Ouais. Ouais, ouais. Il y a une sextape de navets. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ah, je suis pas en train de rigoler, je savais pas. Il y a... On est dedans, non? Bah ouais, on est dedans. Ouais. Bah, il nous l'a envoyé. Corentin nous l'a envoyé. Clément Cotentin, parce qu'on l'appelle Corentin. Bah, j'ai pas vu. Il nous a envoyé un message et tout. Il y a la scène. Ça se trouve, c'est possible qu'il m'ait même demandé les droits. Ah, il t'a demandé, c'est sûr. C'est toi, vas-y, mais j'ai pas vu l'extrait. Attention, vous êtes prêts? C'est reparti. Bah, il y a Mathieu Chedid. Alors, il y a la chanson. Il y a Mathieu Stador. Mais pourquoi il y a Mathieu Stador? Pas pour Mathieu Chedid, parce que Mathieu Chedid n'est pas, en tout cas pas dans ce que j'ai vu de Bref 2. Ouais. Qu'il arrive à un moment. Et dans le clip de Mathieu Stador, il y a Jean-Paul Rouve. Non. C'est celui que Adrien aurait pas pu trouver, je pense. Il y a Mathieu Stador là, je l'entends même pas. Si, regarde. Écoute. Il y a la basse. Et donc, y a un c'était lien... le générique d'une série que j'adorais quand j'étais jeune, qui s'appelait Blague à part. Ah, avec Eric Logeria. Avec Eric Logeria. Oh, bien joué. Ah, oui, parce que le générique, t'es malin de ouf là. Le générique, c'était Mathieu Stador. Parce que moi, à la base, quand t'as dit le jeu, je dis bon, je vais jouer, mais je comprends rien. Non, mais Bérangère, elle a fait un morceau. C'est un singe, je pourrais pas le faire. Il peut y avoir des connexions de collection. Exactement, des trucs que les gens ont fait. Proche en proche. Trop bien, ok, d'accord, ok. Il est formidable ce jeu. Allez, c'est reparti. Ah, il y a Aurel. L'odeur de l'adolescence de Camelot. Et il y a Camelot. Le générique de Camelot. Putain, on dirait une version. Oui, c'est presque calé. C'est presque calé, on dirait un mashup Camelot. Le générique de Camelot, puisque Alexandre Astier joue dans la saison 2 de Bref. Eh, c'est pas faux. Ouais, on en a gros, je trouve. C'est vrai qu'ils font ça, les on mecs. On en a gros. Ouais. C'est vrai. Ou c'est un singe qui fait du saxo. Alors regarde, ça peut être marrant. Les deux symboles collés. Je sais pas si vous saviez, mais en fait, c'est aussi lui. Il fait le montage et la musique. Alexandre Astier, tellement c'est un génie. Mais je crois que c'est un génie, moi. Souvent, c'est ce que je dis. C'est ouf. Attention, vous êtes prêts. Il y en a un deuxième. Il y en aura pas de troisième. Ah bon? Connard. Va en préparer un. Tout de suite là. Demande à une IA. Ouais. Toi, c'est ton truc, ça. Mais non. Attention, c'est parti. Pas les Jones, non. Hein? Les Jones, non. Non, y a pas les Jones. J'entends un truc. Bah oui. Pardon. Est-ce qu'il y a Frédéric Gladieux? Oui, mais alors faut trouver quoi? Ah oui, je veux crier but, non? Oui, je veux crier but. Je l'ai revu il y a pas longtemps ce sketch. Partage le point. Compte pas les points. Non, c'est une chanson qu'avait fait Anis, je crois, Anis Rally. Oui. Qu'il avait écrite et c'était. Chaque fois qu'on marque. Il a fait une chanson sur les gens qui connaissent bien rien en foot. C'est vraiment. Mais non, mais c'est. C'est Freddy. Hein. Ah, c'est Freddy? Mais c'est qui? C'est Anis qui chante aussi au début. Ouais, c'est qui Freddy Gladieux? Je comprends rien. Qu'est-ce qu'il fout dans Bref? Ah, il est dans Bref? Mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre les Jones, ça aurait été plus évident. Mais voilà, écoutez, je remets de la lumière sur ce sketch qui mérite. Je suis dedans. Mais je sais, t'es sublime. Clairement. Et tu chantes. Ah bah donc il y a aussi Adrien de Bref. Hein. Voilà. C'est ouais. Ça. Attention, c'est parti. Il y a Bertrand Huskar. Ah, il y a un morceau de McFly et Carlito, non? Ah, c'est TikTok Girl. Il y a TikTok Girl. Car. Alors les deux, mais surtout Carlito sont dans Bref 2. C'est ça exactement. Et Carlito est formidable. Qui joue dans le, j'allais dire les trucs, alors que ça se trouve c'est des spoilers. Qu'est-ce que t'en as pensé de Carlito? Ouais. Toujours sublime. Mais moi je suis content parce que il joue le mari de Kevin, on peut le dire. On peut le dire parce que c'est un très bon acteur. Il était aussi dans la série Genre Humain. Il avait il avait tout un épisode avec Eleanor Cost et il était aussi génial. Ouais. Ça c'est que eux ils savent très bien que Carlito. C'est, mais c'est ça de le dire aux gens. On a tellement l'habitude en promo parce qu'on est là. Non mais c'est pas, il y a pas un mec des influenceurs pour le, ouais, pour y a le pas un mec du marketing qui a dit il nous faut absolument Carlito. Donc, sinon ça ne se fera pas. C'est, ouais, c'est ça. C'est Winnie l'ourson de chez Disney Plus qui vous a dit s'il y a pas Carlito je ne finance pas. C'est clair. J'enlève mon t-shirt. Je suis complètement à poil. Et du coup je suis complètement à poil. Non, c'est nous qui avons dit on veut Carlito, je me souviens. C'était pas du tout un truc. J'imagine bien. Bon, un peu quand même. Non, mais parce que vous nous connaissez, mais vraiment, j'étais surpris d'à quel point. Tu sais, toi, t'as l'impression que tout le monde connaît ton délire. Ah, ouais, oui. Mais les gens, vraiment, ils étaient en mode bon, Disney, vous en donnez combien pour que vous disiez oui alors que vous vouliez pas? Ouais. T'es d'accord? Alors, attention, vous êtes prêts et c'est parti. L'histoire racontée par des chaussettes et des cinéma. Bien sûr. Je l'enlève. C'est très marrant. Plus que deux. Ah, Ah. Ah oh, putain. En fait, j'ai envie de dire un truc au hasard, mais. Bon, attends-le. Y'a pas un gringe? Non, y'a pas un gringe. Okay. Le truc un peu. Y'a pas les crazy. Le tronc des frogs. Les frogs? Non, pas les frogs, mais on est sur un truc un peu dans cette ambiance médiévale. Ta-ta-da-ta-ta-da. Ah, ça me dit quelque chose, ça. C'est quelqu'un qui est que dans la saison 2. Un truc de François Descrac? Non. C'est pas le. Non. Attends, quelqu'un qui est que dans la saison 2. Qui est que dans la saison 2. C'est pas le. Non. Bah non, non, non. La petite histoire de France, non? Non, pas la petite histoire de France, mais on est dans ces ambiances médiévales. C'est pas Aude, c'est le truc de. Non, c'est pas Aude. Ah putain! Ouais. Putain, je connais. Il est au cinéma. Ah, c'est pas la fiction de Dedo qui est dans un magasin de jeux non. vidéo? Non, non, non. C'est un truc télé? C'est télé, il y a longtemps. C'est quoi l'autre derrière là? L'autre qui fait un peu. On croirait un générique. Là, il en reste deux, c'est ça? Alors, c'est un générique. L'autre, c'est un générique. Il en reste que deux. C'est deux génériques de trucs qui passent à la. Un à la télé, un sur une plateforme. Ah, y'a pas le. C'est pas Pitch? Non, y'a pas Pitch. Mais c'est quoi ce. Il dit quelque chose au moins? Ouais, ou... ouais, moi ça ouais. dit quelque chose de fou. Hein. En fait, le piano me rend fou. Ouais! Moi, c'est le piano pour avoir que le piano. Non, mais j'essaie d'écouter l'autre pour ne plus avoir que le piano après. Et en plus, c'est un peu de boucle malheureusement, donc ouais. C'est plus difficile. Tu dis, c'est un vieux truc télé. Le piano, c'est un vieux truc télé. Un peu médiéval. 2000 et quelques. Ah, c'est télé. Ouais. Et médiéval un peu. Mais très médiéval. C'est le titre du truc même. Médiéval. Bien joué. Avec Bérangère Krief. Non, c'est avec un comédien. Bon, ah, c'est les Robins des Bois, c'est la cape et l'épée. La cape et l'épée. C'était quelque part dans mon cerveau, mais là. Ouais. Avec Pulpipi. Évidemment. C'était bien ça, la cape et l'épée. Oh là, quel chef-d'œuvre. Ça, je l'ai en boucle. Ils avaient sorti des DVD à une époque. Donc, je voulais tellement jouer le jeu que j'essaie de pas essayer de partir du cast pour trouver. Après, je dis, vas-y, pars du cast. Il y a Jean-Paul Roux. Ok, c'est bon, je l'ai. Et celui-là, du coup, il n'y a plus que celui-là. Ah, ça, c'est LOL. Ah, LOL qui ressort. Ah, c'est LOL qui ressort. C'est LOL qui ressort. Où il y en a eu, il y a eu Kian, mais il y a aussi Bérangère Krief. Avec juste un piano dessus qui fout la merde, genre, je sais pas du tout. C'est un fuck. Et voilà. Très bon jeu. C'est bien génial, ce jeu. J'aurais aimé en faire plus, mais faites-le. Ça commençait à devenir des trucs difficiles. Je me suis dit, ça va juste être des séries de leurs potes qui connaissent pas, donc ça va être un mais peu gênant. Jamais vu. Faites le multi-blind test, c'est vachement bien. Et c'est pas si dur. Je me suis dit, peut-être qu'il se fait chier à pas les mettre exactement au même moment pour que ce soit pas. En fait, non, quand tu les poses comme ça, ça marche quand même. Ouais, ça fait un bordel. Je les cale juste sur pour les beats. Pas. Ouais, un tout petit peu. Ce que j'ai fait aussi. Même pas vraiment les beats parce que j'aime bien l'idée que ça fasse bam, boum, bam, clac et c'est vraiment le bordel au début. Mais c'est plus, tu sais, il y a des endroits où. En gros, si tu les mets vraiment tous d'un coup, t'as des morceaux, ils ont une intro de 30 secondes. Oui, bien sûr. Des morceaux qui démarrent direct et t'entends qu'un morceau, tu vois. Ouais. J'essaie de trouver un endroit, je le lance au milieu, quoi. C'est ce que j'ai fait. Et même de mettre des chansons où ça. Tu vois, par exemple, à la base, Jonathan Cohen, j'avais mis la chanson de Sentinelle. Et là, double piano, ça devient vraiment horrible, quoi. Enfin, là, c'est très très difficile. Donc, le plus chiant à chaque fois, moi, c'est d'équilibrer. Ouais, c'est ça. Tu vois, parce que j'équilibre chez moi. Et après, quand je le mets dans un studio, c'est pas le son. Ouais, ouais. Oui, parce qu'en plus, vous, dans un bon moment, c'est pas au casque. Parce que là, c'est plus. Je trouve que c'est plus simple au casque. Mmh. C'est plus facile. Petite anecdote. Dis-moi. On est en train de réfléchir. Alors, dites-nous ce que vous en pensez, mais on va peut-être reprendre un bon moment, mais juste à l'audio. Ah ben moi parce moi, qu'on n'a pas vraiment le temps de m'occuper de la vidéo de tout ce qu'il y a parce que c'est vrai que c'est une grosse structure de plus les énigmes qui sont quand même aussi des trucs qui ouais mais il y a vraiment beaucoup de production et c'est par exemple même pour recevoir les invités on doit tout recevoir tout le monde en deux jours alors que si on est à l'audio on peut recevoir les gens plus simplement je comprenais pas des fois moi je me souviens j'avais fait une émission comme on les reçoit un peu comme ça tu vois dans un espèce de flow on voulait appeler ça le flow de cast mec à W donc ça n'a rien à voir le flow avec quoi rien à voir, j'ai un sniper avec moi. Non, je suis présentateur. Ouais. Et puis il y a pas des news, ça s'appelle pas les news, ça s'appelle les actualités. Ça ressemble un petit peu aux grosses têtes, vous ferez attention quand même. Ça commence à ressembler aux grosses têtes. Ouais, mais bon, ça, apparemment tout le monde peut le faire. Chers amis, c'est bientôt la fin de cet épisode. Mais comme à l'accoutumée, on fait les recommandations culturelles. Voilà quelque chose que vous avez aimé culturellement parlant. Alors ça peut être ciné, bref, télé, série. Un mois plus tôt. Non, mais c'est normal. Bref, 0,5. On savait qu'il y en aurait des vrais puristes qui disent c'était mieux avant. Voilà. C'est important qu'il y en ait. Oui, voilà, ou du théâtre. Peu importe, en tout cas. Bruno, j'ai envie de commencer par toi. Severance, Severance, mais j'ai l'impression que ça y est, maintenant les gens ils parlent tous de Severance. Ouais, enfin. Et pourquoi pas? Mais écoute, si tu veux, je commence par Dan, si quelque chose vraiment, te revient. En vrai, quasiment toutes les séries sur Apple TV. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai vu que c'était carrément une blague. Je crois que j'ai vu que c'était une blague aux États-Unis. Genre, les gens ils disent ah, elle est bien cette série, dommage, c'est sur Apple TV, personne sait que ça existe. Bien, ils reçoivent des prix tout le temps. Genre, il y a des bêtes de séries sur Apple TV. Donc voilà. Severance, allez. Ok, saison 2, c'est ça ? Actuellement, saison 2, la saison 2 est actuellement 4. En train d'être diffusée. Mais est-ce que c'est possible de pitcher un peu ce que c'est ? Parce que en fait, moi, tout le monde me dit ah, je peux pas trop te pitcher. Si, si, ouais. Si, si. Tu rates un peu l'épisode 1, mais tu. Mais tu le comprends. Ouais, tu comprends dès le début de l'épisode, c'est pas un spoiler. Ouais. Imagine un monde où on te dit, bon, dans ton cas, c'est pas très intéressant, mais projette-toi dans un métier que t'aimes pas trop. Ok. Et on te dit, en fait, pas de problème. En fait, on va te severance, c'est-à-dire on va te dissocier. Quand t'arrives au travail, ça fait. Et tu te réveilles 8 heures plus tard et en fait il y a une autre version de toi dont t'as pas conscience qui travaille, ce qui permet de, pour la société, de faire un truc top secret dont toi t'es pas au courant, mais en échange toi tu montes dans un ascenseur, cling, tu ressors d'un ascenseur, t'as travaillé 8 heures, t'es payé. Et du coup le pitch de départ c'est ça, sauf que principalement les gens qu'on va suivre c'est les versions de toi et de tes collègues qui sont dans le bureau et qui eux ce qu'ils vivent c'est être au travail, rentrer dans l'ascenseur, bing, être au travail le lendemain. Ok. Et donc ils sont toujours au travail. Ok. Donc normalement, si t'aimes bien un peu te poser des questions, tu te dis mais attends, mais du coup comment ils sont pas payés, qu'est-ce qu'on fait, comment on les gère. Et à partir de là, ça part dans un truc hyper bien fait. Ouais. Ouais. Et que c'est ça, c'est dur les séries high concept de payer. Voilà. C'est vraiment tenu. Et en fait, c'est pour ça que j'hésite toujours à conseiller des séries qui ne sont pas finies quand c'est un peu des mystery box, parce que là c'est vraiment une mystery box. Oui, et en fait, moi je préfère les finir. Par exemple, j'aime bien From, mais je le conseille à personne parce que j'attends de voir si parce que moi c'est de la merde à la fin, tu vois. Bah moi donc, j'ai arrêté en cours de route pour ça parce que j'ai dit oh, bon là j'ai l'impression qu'ils vont refaire Lost. Ouais c'est côté, ça. Et en fait eux ils disent mais vous inquiétez pas on va pas faire Lost. Tu fais oui mais c'est ce que redit les mecs de Lost. Ouais. Je crois que les mecs de Lost ils voulaient pas finir Lost comme ça. Ouais, voilà. Bah, cela non, dit, puis en plus vrai, il y a des gens qui aiment Lost mais ils les aiment aussi. Il y a beaucoup de gens que je connais qui aiment Lost aiment parce qu'ils ont binge watché. Ouais. Ils ont pas passé 5 ans comme moi à attendre d'épisode après épisode et d'être un peu déçu. Ma compagne l'a découvert pendant le confinement, elle a adoré et elle n'a pas compris pourquoi le bad buzz du final en disant bah c'est plutôt joli, c'est plutôt parce chouette. C'est moins grave quand tu l'as regardé en une semaine ou deux. Ouais, c'est ça. Tu vois, je pense quand que tu as consacré 50 de ta vie, t'allais sur les forums. Et dans le cas de Severance, ce que je trouve cool, c'est que on va voir où ça va. Hein. Mais jusqu'à maintenant, il y a déjà des choses où si tu regardes bien, tu mets une petite pause, un truc, tu comprends. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a pas que des questions sur des questions sur des questions. Il y a aussi des trucs où tu dis. Attends, j'ai remarqué un truc là. Mm. On dirait lui, c'est. Tu crois lui, c'est un méchant ? Et au bout de deux épisodes, haha, j'étais le méchant. Et toi, t'es un peu content. Tu fais, j'avais trouvé parce que j'ai cherché. Voilà. Donc, je conseille, mais c'est pas fini. Okay. Voilà. Mais rien que pour la beauté de la réalisation, le jeu des comédiens et l'univers qui est dingue, je la le conseille. La proposition est folle. Ouais. Très bien. Adrien. Alors, moi, c'est pas très culturel, mais c'est un outil. Nous et le roi. Ouais. Bah c'est pas... Non, c'est un outil, en fait, c'est une app, parce que le en marteau. Gros, c'est. Le marteau. En fait, j'avais c'est un clou dingue. Et je sais pas si vous avez des clous. Je me suis bousillé les mains. J'allais dire ça. Je le fais avec la paume de la main depuis toujours. Non, en fait, on connaît tous AirDrop, sauf que, on a. Par exemple, moi, chez moi, j'ai. Très mauvais début de stand-up. Ouais. Bah, on connaît tous AirDrop. Il y en a qui aiment AirDrop dans la salle. Non. Par applaudissement. Non, mais en gros, moi, j'ai. Mon ordi de bureau, c'est un PC, mais j'ai un iPhone et j'ai un iPad et tout ça. Et en gros, bah, tu peux pas AirDropper sur un PC, ça n'existe pas. Et du coup, il y a un logiciel slash application sur toutes les plateformes qui existent qui s'appelle LocalSend. LOCLSEND et c'est en gros un airdrop universel pour toutes les plateformes. Donc génial. Gros, moi je peux m'envoyer de mon PC, m'envoyer sur l'iPhone directement et vice versa. Ce qui est pratique par exemple quand je fais un dessin sur l'iPad, je veux l'envoyer sur le PC au lieu de passer par je le mets sur Dropbox ou je me l'envoie, bah c'est immédiat et ça marche bien et tout. Et bon, comme on fait deux podcasts dans la journée, bah ma deuxième reco elle est pas ouf quoi. Non, c'est un outil. C'était qui avant Pio Marmaille et Vima Laponce. Oh là là, c'était super. Et ouais, mais un outil très très très pratique. Et voilà, je me dis c'est marrant. Voilà. Sublime. C'est gratuit aussi. Ken, que j'en dis. Alors Severance, je suis d'accord, c'est un peu mon crack en ce moment. La série Iris de Doria Tillier, qui est vraiment une comédie super drôle. Si vous aimez la comédie à la Fleabag. Si vous aimez les comédies un peu... À la Curb aussi, un peu. À la Curb. Ouais, c'est ça. C'est un peu un Larry David mid Fleabag. Ouais. C'est super drôle et Doria fait un coup de maître dans cette série. Et c'est très sincère. On sent qu'elle a mis beaucoup de choses à elle dans cette série. Les acteurs sont formidables, ça joue de ouf et c'est très très drôle. Ouais, c'est sur MyCanal. Et François Morel est sublime. Ah, mais tous, hein. Moi, Jeanne Balibar, Pascal Arbiot, Anaïd Rozam. Ouais. Qu'on voit de plus en plus. Enfin, qui est très connue déjà, mais tant mieux. Cette comédienne. Donc, et tant mieux. Non, c'est trop trop bien. Iris sur MyCanal. Génial. Et bien, quant à moi, c'est aussi sur MyCanal. Ça s'appelle SNL 50 Beyond Saturday Night. Et en fait, c'est une série documentaire, mais c'est plus une anthologie documentaire, puisqu'en gros, les épisodes ne sont pas liés du tout. C'est 4 épisodes sur 4 trucs très différents concernant le Saturday Night Live. Donc le premier épisode, c'est sur le casting comédien des gens qui ont fait le Saturday Night Live. Donc en fait, t'as plein de gens qui ont fait le SNL, donc Andy Samberg, Tina Fey, plein de gens vraiment, Will Ferrell, etc. Et donc on leur montre leur casting, on leur montre et ils discutent de ce qu'ils faisaient avant, comment il y a les directeurs de casting qui expliquent comment ils recrutent, où est-ce qu'ils vont, comment est-ce qu'ils ont senti ça chez un tel ou pas ça chez un tel, etc., etc. Il y a une scène que j'adore où il y a Bill Hader et Andy Samberg qui se connaissent un petit peu, qui vont au même endroit, ils se voient et Bill Hader voit Andy Samberg, il le voit avec un gros sac plein d'accessoires et il dit putain, mais il a ramené plein d'accessoires, mais c'est évidemment qu'il va être pris, il est trop fort, il a pensé à tout. Et Andy Samberg voit que Bill Hader vient juste avec tout seul et il fait putain, mais voilà, lui c'est tellement un bon acteur, il a pas besoin d'accessoires, mais évidemment en fait, moi je suis une grosse merde. Et voilà, et c'est génial, c'est trop j'ai plaisant. Vu les parce qu'en plus les deux c'est des grosses merdes. Ils avaient raison tous les deux. C'est ouf. Voilà, le deuxième épisode, c'est que sur l'écriture. C'est une semaine avec les auteurs et les auteurs des anciens SNL qui parlent aussi du stress. Tout un boring, on s'en bat les couilles. C'est incroyable. Ah ouais. C'est vraiment, c'est une série. Ils auraient dû le mettre en 4. C'est le. Non mais c'est ça qui est génial. En fait, tu regardes ce qui t'intéresse. T'es pas obligé de voir le 1 pour voir le 2. En fait, c'est ça qui est cool. Moi, j'ai commencé par le 2 parce que c'est ça qui m'intéresse. Et en plus, c'est génial parce que donc le SNL, c'est le lundi il y a l'invité et le samedi c'est en public. Ils écrivent jamais avant. Moi, je pense que si ça existait en France pour de vrai, vraiment avec ce rythme-là et tout, je serais là-bas déjà. Mais j'adore. Je serais devant, en train de dire, je peux le faire, s'il vous plaît. Bien sûr. Parce que moi, je sais pas si tu vois la série Studio 60. Oui, bien sûr. C'était mon idole. Je regardais, j'étais là, mais je veux faire son métier. Bah là c'est la même chose, c'est vrai. Ils ont fait le super-héros des auteurs, tu vois. C'est ça. Et t'as le même truc de course contre la montre, quoi. Tu les vois vraiment avec des feuilles courir des couloirs pour ramener les textes, arriver dans le bureau de Lorne Michaels, le producteur du SNL, et essayer de faire choper leur truc. C'est trop bien. Le troisième, c'est hilarant parce que c'est 50 minutes entières sur le sketch Mort Cowbell. Ça, c'est hilarant parce qu'ils vont voir le sketch de Gad Elmaleh dans. Bien sûr, dans le SNL. Mais ils en parlent, dis-toi. Ouais. Parce qu'ils parlent des gens qui l'ont repris, etc. Enfin, ils en parlent, on voit le truc. Et le dernier, c'est sur la pire année du SNL. C'est-à-dire que c'est une année qui est considérée là-bas comme une catastrophe. Tout le monde a détesté, les sketchs étaient horribles. C'était le retour de Lorne Michaels, il s'est raté. Donc il parle de cette année où le SNL a presque été annulé par NBC parce que c'est une catastrophe. Et en même temps, c'est l'année où il y a plein de décisions trop bizarres. Il y a un épisode qui est réalisé par Francis Ford Coppola, par exemple. C'est l'année où ils ont pris le gamin de Breakfast Club, Robert Downey Jr. C'est le moment où McFly Carito aurait fait une pause. Ouais, voilà, exactement. On va faire une pause, on va revenir, on va goûter des trucs. Je crois que le mot burnout n'existait pas à l'époque. Ouais. C'était le terme qu'il aurait fallu utiliser. Il n'y avait plus personne pour dire c'est un peu n'importe quoi ce qu'on est en train de faire. Ça va dans tous les sens, hein, d'accord. De semaine en semaine, on se fait un peu emmener. Et donc voilà, donc ça s'appelle SNL 50 Beyond Saturday Night. Et c'est vachement bien parce que le SNL a 50 ans quand même. Donc c'est pour trop ça bien. Ils ont fait ces documentaires. Dis-moi, Kian. J'ai une autre co. Ah, mais je t'en conjure. Documentaire sur Netflix, je crois, qui s'appelle Ibeline. Ok. Alors. Oui. C'est. Si vous adorez World of Warcraft, vous allez. C'est vraiment. Ça va vous bouleverser complètement. Si vous n'écoutez pas World of Warcraft, ça va quand même vous bouleverser. Ça m'a. Je pense que parce que je suis dans la paternité, ça m'a remué. Mais c'est l'histoire d'un couple qui a un enfant. Et cet enfant a une maladie dégénérative, donc il commence à plus marcher. Tu le vois, il fait ses premiers pas et il tombe par terre. Enfin, tu vois. Et en fait, son corps le quitte, quoi. Mmh. Et il vit jusqu'à, je crois, 20 ans. Et ses parents, et il commence à s'enfermer, le gamin, et il joue à World of Warcraft. Et ses parents disent, bon, bah voilà, et visiblement, maintenant, sa vie, c'est ça, quoi. C'est d'être 20 heures par jour sur un PC. Et, bon, tant pis, il passe à côté de sa vie, mais bon, on peut pas, il est handicapé, quoi. Il peut plus bouger les mains, il peut à peine bouger le pouce et tout. Et donc, je spoil pour que vous ayez la substance du truc, mais le gamin, malheureusement, décède. Et c'est là que le documentaire commence, parce que là, il y a des messages que les parents commencent à recevoir, et je vous laisse ici découvrir la suite. C'est les larmes aux yeux pendant tout le documentaire. Sublime. Ah putain, tu m'as donné envie. Sur Ibeline. Netflix. Ibeline, vie extraordinaire d'un gamer. Ou, ouais, voilà. C'est ça. Ça l'a éclaté. Ouais. Non, il y avait aussi un truc comme gros ça. Gros truc de geek. Ça, ouais, pas ça, ça n'a rien à voir avec le côté geek de WoW, mais justement, ça vous montre ça vous montre un côté du jeu vidéo, mais que j'avais jamais vu. Oui, l'aspect social des gens en ligne et d'internet que les gens oublient complètement à cause de ça. T'es tout le temps sur ton téléphone, tu parles avec personne, tu fais papa, je parle avec plus de gens que t'as toi, jamais tu parlé as parlé dans ta vie d'enfance de merde. Il y a eu un petit de merde qui est lâché. Actuellement, j'ai dit un truc très intéressant à un mec qui apparemment est physicien. Il est en train de m'expliquer les trous noirs, tu vois, c'est ça que je fais sur mon téléphone. Papa, laisse-moi jouer, j'incarne un singe. Je joue à Monkey Island. J'avais vu un truc comme ça, je sais plus si c'était dans un documentaire ou un film, j'ai un peu oublié, mais tout le monde va l'envoyer du coup en MP, mais bon, au moins je saurais. Bah, plains-toi en plus. Non, parce que la dernière fois j'ai parlé d'un magazine et je me suis souvenu du nom du magazine entre temps, et du coup j'ai reçu plein de messages. Ouais. Oui, bah plains-toi. Bah, je me plains. Voilà. Je peux me plaindre. C'est, je te demandais de te plaindre. Ah, bah, je me plains alors. Merci. Non, c'était un gars, justement, pareil, son frère était décédé, et en gros, c'était un jeu vidéo où en gros, le meilleur score fait que t'as encore le fantôme de la partie d'avant dans un jeu. Ah, oui. Et donc, s'il bat son frère, il efface le seul souvenir, le souvenir, le vrai rêve. Quand le bat ton frère, imagine, il meurt vraiment. Il meurt avant. Et sa seule trace, enfin, une de ses rares traces, c'est il est encore dans le jeu vidéo, quoi. Parce que donc il joue avec son frère un peu. Quoi. Il joue un peu avec son frère, mais s'il le bat, il efface ce ils truc. Ils ont fait un documentaire là-dessus. Non, mais c'est une scène. Je crois que c'est dans le film Speed Racer, mais peut-être je me plante. Mais voilà, c'était un truc un peu joli aussi. N'hésitez pas tous à aller dire en DM à Navo, il me dit le dire en vrai. Moi, je préfère le. Appelez-le. C'est 06. Comme j'ai envie de me rendre compte, tous ceux qui vont aller dire à Flo en DM dans quoi c'est cette scène, vous m'envoyez en disant je l'ai dit à Flo. Ah ouais, pas mal. Comme ça, je serais content, je penserai à toi en disant mais ne me le dites aussi. Pas vraiment. Envoyez juste à Navo. C'est bien, c'est Navo qui a parlé, c'est pas moi. Hein. Je suis Adrien Méniel. Non, chers amis, ça fait 1h45 qu'on parle. Trop bien, ouais, encore, j'ai adoré. Il nous reste encore une heure ou deux. Non, c'est fini, c'était avant ça, Bruno. C'était adoré. Ah, on en fait une deuxième tout de suite. Et puis tu l'as diffusé dans 6 mois. Mais relance un bon moment. Ah ouais. On va relancer un bon moment. Bah vas-y. Bah sinon, on continue d'enregistrer, mais on passe sur un bon moment. Pour Patreon. Tu nous prêtes ton matos, c'est sympa. Je vous loue le matos. C'est sympa, on fait une heure, c'est vous les premiers invités de Un bon moment version audio. Allez, bonjour go, et bienvenue dans Un bon moment. En plus, c'était un multi-blind test. On l'avait fait sur. C'était avec 2 heures de perdu. On avait fait notre épisode après le leur. Bah autant vous dire que la deuxième émission, on était fatigué quand même. On aurait dû faire ça, ça nous aurait fait le pilote de la version audio. Bah j'avoue. Putain, on a pas bande pensé. De cons. Bref, deux singes pour moi là. On vient demain. On vient demain. Bref 2 est sur Disney Plus. Ah ouais. 6 épisodes. C'est pas sur Canal. Non, c'est une de mes questions. Pourquoi c'est plus sur Canal alors? C'est pas sur Canal. C'est trop bizarre. C'est sur. Mais bref 1 aussi maintenant est sur Disney Plus. Tout est sur Disney Plus. Oui. De toute façon, bref 1 il est aussi sur YouTube. Il est sur YouTube, c'est gratos. Saison 2, 6 épisodes. 6 épisodes entre 30 et 35 minutes. C'est ça, exactement. Tout est déjà dispo. Otwan, ça va reprendre. Otwan continue. On termine la saison 3 là avec monsieur Adrien Méniel à l'écriture. Et, entre autres. Entre autres, avec Stéphane Basset aussi, toutes les équipes. Et puis, bah, on aura fait 14 émissions pour la saison 3. Là. Pas mal, déjà. Et peut-être une saison 4, on verra. On verra. Adrien, ça écrit. Peut-être, peut-être qu'un jour il y aura 2 ans, je sais pas quand est-ce que ça sort. Mais oui, mais putain, c'est vrai. Ça s'appelle plus en comme fait, ça. J'ai s'appelle Ange et compagnie. Ah ok, mais voilà. Parce qu'en fait, t'es courant de rien. Bah, non, mais parce je sais quand ça sort, moi. Du coup. Ouais. Bah, mais c'est sur Allociné. Si tu peux, c'est sur Allociné. Bon, j'ai oublié, cela dit. On me l'a dit. Ah, non, c'est en mai, 7 mai, un truc comme ça. Oui, attends, je te dis ça tout de suite. Ça sort le 7 mai 2025. Ah oui. C'est ce que j'ai dit. J'ai fait la post synchro hier. 7 mai 2025. Il y a un film auquel j'ai participé à l'écriture avec Romain Lancry et Vlad, un film de Vladimir Rodionov. Qui s'appelle du coup Ange et compagnie. Bah trop bien parce que ça faisait un moment que je disais 2 anges, c'est pas dingue comme. En fait, on était dégoûté que les anges gardiens c'est déjà pris. J'avais proposé Jacques 2 anges le coiffeur, mais ils ont dit. Moi j'avais pour de vrai proposé 4L et j'avais dit dans ce cas-là la bagnole vu que c'est un road, ça serait 4L. Ils ont dit mais le film est déjà tourné. Bruno. Non, c'était à l'époque qu'on écrivait. À l'époque on écrivait, on cherchait un titre. Mais on, et on a vu le film avec Adrien et on l'aime beaucoup. Ah, super, ah, il fait plaisir. Si vous êtes. Bah, mais c'est d'une certaine manière un peu comme Bref 2, c'est le retour de plein de gens avec, que vous avez vu il y a quelques années aussi, parce que là c'est vraiment le film avec plein de talents, de Golden Moustache, ouais, de ces voilà. années-là. Et pour faire un peu les geeks de l'écriture, moi quand j'ai vu le film, je me suis dit, ah en fait c'est cool, ce qui, en gros t'as pas le ventre mou de la comédie dans le deuxième acte. Parce que t'as des retours, t'as deux petits retournements oui. dans le deuxième acte qui fait que t'es repris, limite on dirait un peu une série. Je suis d'accord. Ça pourrait être trois épisodes qui marchent bien ensemble. Donc j'étais content quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ça. Et il y a une incroyable Zabou Breitman aussi. Qui je me permets d'en dire rire. Tout et bien. Voilà. Bah non, mais c'est super, c'est un super vu film. Vu que je suis pas le seul auteur et que je, c'est surtout l'idée et le travail de Vladimir Romain. Et Romain Lancry. Mais voilà, mais de toute façon, je pense qu'on en reparlera d'ici là, évidemment. 7 mai 2005. J'ai pas de temps d'actu, donc on va en reparler. Hein. Ça, <c'est> avec entre autres Adrien Méniel qui est sublime dedans. T'as une banane ou pas? Je t'imagine avec une banane dans ce film. Non, t'es. Ça c'est Kian, le singe. Oh, oh, on arrête, on arrête. Oui, j'ai une banane, j'ai une banane. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.